ou en direct sur le web sur cfou.ca. Vous êtes assez fait, assez fait, assez fait. 89. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Reiki. Louis-Philippe Quentin nous fera parcourir le plus récent numéro du journal dans le campus et on feuilletera les journaux seulement pour regarder les publicités qui s'y retrouvent dans le bloc pub. Assemblage Reiki commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage Reiki en ce mardi 15 décembre 2015, 133 jours avant la fin de l'année scolaire 2015-2016, mais surtout 6 jours avant la fin de la session d'automne 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. C'est Tania, ça va? Ça va très bien, toi? Très bien aussi. Tu t'es embarré à l'extérieur des bureaux ce matin. Ouais. J'ai oublié ma carte magnétique et je n'étais pas capable de rejoindre la sécurité pour nous ouvrir. Alors, c'est ça. Ça arrive. C'est pas grave, on a une bonne émission pour vous quand même. Aujourd'hui, on va avoir Louis-Philippe Quentin à 9h pour la chronique du journal Zone Campus. On va parler du plus récent numéro qui sort aujourd'hui même. Le dernier numéro de la saison, justement, d'automne 2015. Après ça, il y a un mois, pas de journal. Un mois, pas d'impro, un mois, pas de journal. Des petites vacances, des fêtes. Exactement. Nous, on termine le mardi 22. Oui. Pour ceux qui se le demandent, mais on va être en onde toute la période des fêtes de toute façon avec des émissions. Pas en direct. Bien sûr. Et voilà. Aussi, l'émission d'aujourd'hui, ta chronique à toi, Tania Esganante Tania, qu'est-ce qui s'en vient? Bien, c'est mes fameux spéciaux des fêtes tous les matins jusqu'au 22. Et puis, aujourd'hui, je vous parle de comment survivre à vos parties de bureau, mesdames et messieurs. Ah ben. Ou vos parties de job. Oui, ben de bureau ou de job, hein, c'est ça. Oui, dépendant. Ben, tu sais, c'est ça, on ne travaille pas tout à fait, c'est ça. Mais on a tous, la plupart du temps, un party de travail. Alors, comment y survivre? À moins que vous ayez un travail plate qui fait pas de party, ça aussi. Arrive. On est mardi, on va aussi faire le bloc pub tantôt, ainsi que je crois qu'on va avoir tout ça pour du site un film. On verra bien pour l'émission d'aujourd'hui, mais Colin, commençons en musique, hein? Mm-hmm. Hein? Pourquoi pas? Il est temps de s'installer un peu. Donc voici Destroyer et Girl in Sling. Ça fait un petit bout de temps qu'on l'a pas entendu. C'est vrai. Très calme pour débuter l'émission. C'est notre comédie musicale. C'est ça, qu'on aime beaucoup. Two stars, three stars, the night sky above used to mean everything to horses in love, girl in a sling. How come your eyes come in and out of focus in the park all alone, early spring, girl in a sling. Sifting through these remains for years, bitter tears, bitter pills. Oh, it sucks when there's nothing but gold in those hills. Girl, I know what you're going through. I'm going there too. Girl, I know what you're going through. I'm going there too. I've been sifting through these remains tears for years. Bitter tears, bitter pills. Oh, it sucks when there's nothing but gold in those hills. Girl, I know what you're going through. I'm going there too. Girl, I know what you're going through. I'm going there too. I'm going there too. I'm going there too. I'm going there too. I'm going there too. I'm going there. Destroyer et Girl in a Sling à Assemblage Rocky. Ah, maintenant, tu sais, ce qu'on pourrait écrire sur un plâtre de quelqu'un qui serait. Qui se serait cassé une jambe, mettons, girl, mm-hmm. Sling, c'est une écharpe pour te tenir le bras ou le. Ah oui, ok, oui, bon. Oui, oui. Donc, tu pourrais écrire dessus ton nom ou encore, tu pourrais commencer, ça me surprend que ça ne soit pas déjà existant, tu pourrais vendre ta place pour des spots publicitaires. Oh. Un peu comme en course de char, tu serais brandé avec le logo de, voilà. De Coke sur le bord de ton bras ou de ta jambe. C'est le bloc pub. Venez au bon marché! Oui, papa! Tout le monde Je préfère I love you and I kiss you. 4,99$ la minute. C'est le bloc pub correct dans lequel on parle de marketing, d'idées pour vendre des choses et on commence avec Deloitte. Tu connais Deloitte, le sans sauveur de l'air de tes touches. Donc Deloitte qui exploite la réalité virtuelle. Ooh. Afin de présenter Greenhouse, son nouveau centre consacré à l'innovation, Deloitte a mandaté Merclair pour la production d'une capsule vidéo en 360 degrés. La capsule offre une visite virtuelle du nouveau centre à Montréal, mais fournit aussi une vitrine des technologies récemment maîtrisées par la firme Conseil. Merclair a produit et réalisé la capsule et l'application Google Cardboard présentée dans le but d'immerger les utilisateurs au cœur de ce nouvel espace consacré à l'innovation. Google Cardboard étant le morceau de carton qu'on met autour de son téléphone, mm-hmm. et ça donne de la réalité virtuelle dans la face. Merclair désirait procurer aux utilisateurs une liberté d'interaction dans leur découverte personnelle du centre Greenhouse. Et l'application est proposée aux clients actuels et futurs de Deloitte. Écoutons leur petit spec de Deloitte réalité virtuelle. Comme à chaque semaine de ma vie, je n'ai pas l'extrait vidéo de mon côté. Est-ce que tu l'as? Ah, pas vrai. Oui, je suis présentement en train de le regarder, mais je vais t'avouer que c'est plutôt... Bon, mais finalement, ils ont mis un téléphone dans une boîte carton, de carton, ouais, oui, qui est fait comme des jumelles, puis ils regardent autour. Et ça montre quoi? En fait, j'ai l'impression qu'ils testent dans les bureaux de Deloitte, mmh. mais on voit quand même une... au 360 degrés, là. Bon, écoute. Un jour, je réparerai ce problème-là de mon bar. Ben oui, hein? Un jour. C'est le fun de parler au mois du futur. On a je un mois. Je pense que ça aurait été quand même bien qu'il parle durant la vidéo. T'aurais aimé ça? Oui. Avoir une petite visite guidée avec une petite voix, genre... Oui. Sur votre droite. Ben, dis-moi qu'il nous explique vraiment quelle est la grosse différence. Parce que là, tu te souviens quand... Ben, je sais pas si tu faisais ça, mais quand t'étais petit, puis tu prenais un rouleau d'essuie-tout, okay. puis tu coupais en deux c'est pour pareil. Te faire des jumelles, pareil. Ben, je vais t'avouer que c'est pas mal semblable. Est-ce que t'es allé voir sur Google Street View? Tu peux voir l'intérieur de l'UQTR en Google Street View. Oui, ça a l'air. On va en parler avec Louis-Philippe Quentin dans la chronique du Zone Campus tantôt, mais c'est okay. quand même cool, vraiment cool. Ensuite, un studio, un libraire, pardon, bruxellois, qui est revu par un studio québécois. Le studio Bye Bye Bambi. Ben oui. A créé l'identité visuelle de Morel de Westcaver, institution bruxelloise spécialisée dans les livres anciens et de curiosité. Le mandat a été exécuté en collaboration avec l'agence numérique Brunk, qui est responsable du positionnement stratégique de marque et de la stratégie médias sociaux. Cette identité contemporaine reprend les codes esthétiques de l'époque, dont le blason et l'agencement des fontes, donc des polices de caractère. Ces choix graphiques permettent de souligner l'offre éclectique de la boutique et son cabinet de curiosité qui forme l'ADN de la librairie. Le studio a revu la conception et la mise en page du catalogue utilisé pour les ventes publiques de la marque. Donc, si on décrit un petit peu, ça fait... C'est un vert forêt, mm-hmm. je dirais, avec un blason comme les signes traditionnels d'à peu près chaque chose sérieuse, là, qui se veut sérieuse, même le QTR a son emblème, son blason, oui. Qui est en forme de livre dans ce cas-ci. Et puis, c'est ça, c'est... C'est beau, c'est en forme de hibou et de livre. En fait, on dirait que le livre est composé d'un hibou avec les gros yeux et un sablier dans le milieu. Donc, il y a comme beaucoup trop de signes et de symboles. Ouais, ça, c'est vrai. En même temps, ils en ont comme mis vraiment beaucoup. Mais c'est beau. Ensuite, LeBron James et Nike. Grosse nouvelle, c'est pour la vie. Tu as entendu parler de ça? Non. Pour la première fois de l'histoire de Nike, une entente à vie a été conclue avec un athlète, le joueur étoile de basketball LeBron James, 30 ans. Oui, LeBron James est plus jeune que moi. Non. Il sera lié même lorsque sa carrière, oui, à lui, sera terminée. LeBron James et Nike sont partenaires depuis que ce dernier a quitté l'école secondaire pour jouer dans l'Association nationale de basketball, la NBA. En 2003, son premier contrat qui s'étalait sur 7 ans valait 90 millions de dollars et depuis, 13 versions des chaussures signées LeBron James ont été commercialisées. Alors avec cette annonce, le plus long contrat de Nike avec un athlète avait été signé avec Michael Jordan. Celui-ci est maintenant directeur exécutif de la marque Jordan qui continue de commercialiser des chaussures de sport et de rapporter des millions de dollars à Nike chaque année. Les chiffres officiels n'ont pas été révélés, mais ESPN affirme que la valeur du contrat serait considérablement supérieure à celui signé avec Kevin Durant, soit 300 millions de dollars pour 10 ans. Seulement en 2015, la somme des ventes des modèles de chaussures signés LeBron James est estimée à plus de 400 millions de dollars. Les contrats de représentation avec des sportifs sont de plus en plus populaires selon le magazine Ad Age, mais les contrats à vie demeurent exceptionnels et le joueur de soccer David Beckham, qui détiendrait un contrat à vie avec Adidas selon ESPN, et l'ex-joueur de basketball Allen Iverson a signé un contrat à vie avec Reebok, mais celui-ci réfère plutôt à la vie professionnelle de l'athlète et non pas sa vie sur Terre. Quelque chose, c'est beaucoup, beaucoup très long. C'est ça qui est sorti hier sur les réseaux sociaux. C'est ça qui est sorti, ouais. Que t'as pas lu. Exactement. C'est ça, exactement. Ben, c'est par rapport à LeBron James. That's why I'm here. There you go. Marketel a réalisé la vidéo « Envol des fêtes » afin de représenter à la fois l'esprit de Noël et la mission d'Air Canada, c'est-à-dire relier les Canadiens à leurs personnes très chères. Marketel a élaboré un concept qui veut toucher les Canadiens et démontrer la générosité du transporteur aérien. La vidéo met en scène des Canadiens qui croient participer à un reportage sur l'envoi de cadeaux pendant les fêtes, mais qui finalement reçoivent eux-mêmes une surprise en obtenant un billet d'avion pour livrer le colis eux-mêmes. C'est cute, hein? Mm-hmm. On va écouter ça. Ma cousine Réna et moi sommes des copies conformes de notre grand-mère. Nous avons beaucoup d'amour à donner, inconditionnellement. Elle s'appelle Tawny Autumn. La fille, Tawny Autumn. Le gars dit, la musique est ce qui nous unit, moi et mon père, quand j'allais dîner au souper chez lui. Ok, blablabla, on va sauter un petit peu plus loin, là, quand même. Donc, ils donnent leur petit discours, blablabla, super. Donc, ils pensaient participer à un reportage sur l'envoi de cadeaux. Ok, plus loin encore, une autre phrase-ci. Imaginez leur joie de réaliser qu'ils vont devenir eux-mêmes le cadeau des fêtes. Donc, ils arrivent au bureau. De la part d'Air Canada, nous souhaitons vous transporter là-bas afin que vous puissiez offrir votre cadeau vous-même. Êtes-vous sérieux? Je suis sérieux. Est-ce que, je vais juste faire une parenthèse, t'as-tu vu la fille qui envoie 4 livres de messages à son chum parce que lui est à Toronto et elle est en Californie pour cheesy, étudier? C'est cheesy. C'est cheesy, là, je suis pas sûre qu'il va rester. Cheesy, ça va pas le convaincre, c'est ce que tu veux dire. Toi, ça te convaincrait pas. Hein. Moi, ça me ferait peur plus que d'autres choses. Hey, elle a fait imprimer leur conversation. Puis là, ça va les porter elle-même. Ouais. C'est encore plus effrayant. Mettons. Bref, ils font leur bagage, c'est au ralenti, il y a une musique super, comme vous l'entendez, vraiment très très cheesy. Elles font aller la main pour prendre un taxi. Un Yellow Cab Company arrive à LAX, débarque, encore trop de ralenti. Et là, la scène émouvante, que je pense que je peux arrêter avant, parce que moi, ça me trouble des histoires émouvantes quand même. C'est trop en même temps, trop en même temps. Trop. Ouais. Ensuite, IKEA Canada soutient les réfugiés syriens. Oui. Hey, ça, j'ai vu ça. Bon, ben, Caroline, je te prendrai rien aujourd'hui. Je lis les bonnes affaires. C'est ça, ben oui, ça dépend de tes contacts. Hein. Donc, IKEA Canada qui soutient les familles de réfugiés avec un don d'articles d'ameublement de sa collection en réponse à la crise actuelle des réfugiés syriens et à l'engagement du Canada d'en accueillir 25 000 d'ici février 2016. IKEA invite les œuvres de bienfaisance canadiennes enregistrées qui aident les nouveaux arrivants, oui, à soumettre des propositions de soutien. IKEA Canada acceptera celles d'œuvres de bienfaisance enregistrées jusqu'au 31 mars prochain ou jusqu'à ce que le budget de 180 000 $ du projet soit épuisé. Tant qu'à faire, mettons 180 000 de suite. Elles peuvent être soumises au moyen d'un formulaire en ligne qui est disponible sur assemblagerequis.com si vous êtes une compagnie. Le budget total du projet sera réparti de façon égale dans les collectivités avoisinantes de chacune des 12 succursales d'IKEA et des 6 centres de cueillette au pays afin de répondre aux propositions. Une initiative qui s'ajoute à la campagne globale Éclairons la vie des réfugiés d'IKEA qui se déroule jusqu'au 19 décembre. Les fonds amassés dans le cadre de cette initiative serviront à fournir des lampadaires et des lanternes solaires ainsi que des systèmes d'énergie solaire dans les camps de réfugiés dans plusieurs régions. De l'or en barre pour les fêtes maintenant. Le studio By House a conçu un présent, un cadeau qui reprend la symbolique chrétienne des rois mages. Selon la tradition, donc, chacun a apporté une offrande à l'enfant Jésus. Hein? De l'or, de la myrrhe et de l'encens. Mm-hmm. Ah. L'équipe de By House a conçu ce présent pour célébrer le symbole de l'offrande, à la fois or par son emballage, myrrhe par son baume précieux et encens par son effluve. Trois mages rendent hommage à ceux qui préfèrent offrir que recevoir. L'objet emprunte les codes graphiques du lingot d'or par sa couleur, sa forme structurelle et son débossage. Il rappelle le thème de la nativité par la présence d'étoiles et du chameau d'Arabie. Mon Silage a concocté un savon exclusif à l'odeur de la myrrhe, alors que Stilex 3D a assuré l'impression et la finition du petit lingot. C'est cute à mort. C'est très cute. Placé en forme de pyramide dans les images sur assemblagerequis.com. On dirait de vrais lingots. C'est très, très cute. Très beau. Maintenant, une signature qui laisse sa trace pour la campagne annuelle d'Amnesty International Canada francophone visant à souligner la Journée internationale des droits humains. Cossette propose de transformer des signatures en barbelés. Afin de montrer leur accord avec la protection des droits, les internautes peuvent se rendre sur le microsite créé par l'agence, puis signer leur nom en guise de soutien. Automatiquement, la signature sera transformée en barbelé, symbole phare pour Amnesty International, faisant partie intégrante de son logo. Cette signature pourra ensuite être partagée sur les médias sociaux. L'objectif est de créer un mouvement de masse afin de sensibiliser la population à protéger les droits et de faire avancer les causes. Quelques artistes québécois ont d'ailleurs répondu à l'appel et partagé leur signature en barbelé dans les médias sociaux, dont Xavier Dolan, Ariel Moffat, Louis-Jean Cormier et Rebecca McConnell. Vous pouvez aller voir l'exemple sur assemblagerequis.com. Des installations de signatures en barbelé qui ont également été exécutées par l'artiste André Dubois à la station de métro Place d'Armes. Cossette a présenté les signatures de personnalités qui ont combattu pour les droits, dont Nelson Mandela, Martin Luther King et Mahatma Gandhi. Des panneaux d'autoroute, des annonces dans les quotidiens, des bannières web et une vidéo soutiennent cette campagne et le placement média a été offert gratuitement par la plupart des médias. En y participant, les gens peuvent dire non aux injustices, notamment à celles vécues par trois personnes qu'Amnesty International Canada soutient à l'heure actuelle, dont l'avocat Raif Badawi, Walid Abu Al-Khair, condamné à 15 ans de prison en Arabie Saoudite pour avoir défendu les droits fondamentaux. Les autres sont Theodora Des Carmen Vasquez, condamnée pour avoir fait une fausse couche, et Mostafa Azizi, pour s'être exprimé sur Facebook. Oui, c'est des choses qui arrivent dans la vraie vie. Ouais. En 2016. C'est terrible quand même, condamné pour avoir fait une fausse couche. C'est clair que c'est toi qui calcule tout ça, ouais. Hein? Ben oui, bref. Ben oui. Une chance qu'Amnesty International est là pour essayer de les sortir de là. Une chance. Désormais, il sera possible de clavarder avec le service à la clientèle de Rogers par Facebook Messenger. Avec ce service, Rogers souhaite procurer à ses clients un outil leur permettant de discuter en continu avec l'entreprise, de répondre au moment qui leur convient et de faire le suivi de la conversation. Plus de 16 millions de Canadiens utilisent Facebook chaque jour et ils veulent les atteindre. Le service est offert pour les produits destinés au grand public tous les jours de 7h à minuit. Rappelons d'ailleurs qu'en mars dernier, Facebook a lancé la version Messenger pour entreprises qui s'appelle Messenger Business. Le réseau vise ainsi à remplacer les plateformes de soutien aux consommateurs actuellement employées, comme les petits chats, là, des services de chat là, qui apparaissent sur le site de Bell ou de Cogeco tout le temps. Voulez-vous de l'aide? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Toi, t'es sûr que t'as pas besoin d'aide? Jusqu'à temps que tu cliques sur non plusieurs fois. Mais maintenant, presque tous les sites internet ont ça, hein, ce fameux système de clavardage-là. Et c'est, je trouve, la meilleure façon de les rejoindre. Moi aussi. Est-ce que tu as déjà essayé ce genre de soutien-là? Okay. Parce que c'est tellement mieux que le téléphone. J'ai essayé deux, trois fois. J'ai essayé une fois avec Bell Mobilité, ouais, où ça a quand même bien fonctionné, ouais, je dois avouer. J'ai essayé une fois, je pense que c'était avec IKEA, et une autre fois avec un concessionnaire de voitures. Cool. Et les trois, ça a super bien fonctionné. Je suis un fan de cette technique-là, et par Facebook, si c'est ouvert entre 7h et minuit, quand même, ça rejoint les horaires de la plupart des gens. Mm-hmm. J'aime ça. Ensuite, ça enlève pas de job à personne. Ils font juste changer de place pour le faire. Ça, c'est cool. Non, j'imagine. Exact. J'imagine. Maintenant, bon, OK, tu me diras peut-être que t'en as aussi entendu parler, mais les réseaux sociaux dans les patates, est-ce que t'as entendu le truc de Yum Yum? Non. LG2 signe une campagne soutenant un concours lancé par Yum Yum et décliné sur Facebook et en affichage extérieur à Montréal. Et ils ont lancé un concours dans les médias sociaux afin de permettre aux grignoteurs de gagner un an de chips. Utilisant la signature de la marque dans les patates depuis 1959, le concours anachronique a obligé les participants à employer les médias sociaux à la manière de Yum Yum. Donc, on va écouter leur petit spec. Yum Yum est dans les patates depuis 1959. En 2015, il était temps d'aller sur les réseaux sociaux. Nous avons donc produit des affiches invitant les gens à visiter nos médias sociaux et à gagner un an de croustilles gratuites. Sur des affiches, on pouvait lire « Visitez notre page Instagram au 1-844-233-0245 ». En nous appelant, les internautes pouvaient écouter nos photos. Bienvenue sur la page Instagram des Croustilles Yum Yum. Voici la description d'une des photos publiées. Un chat sur ses pattes arrière tente de sortir d'un sac de Yum Yum vide. Une vieille dame vêtue d'un coton rose avec une tête de chat brodée rit en arrière-plan. Pour la prochaine photo, appuyez sur le 2. Six gars rigolent devant une camionnette avec des saucisses qui grillent sur un barbecue dans le stationnement d'une partie de football. À côté d'eux, une voiture au haillon ouvert est remplie de sacs format familial de croustilles Yum Yum. On en compte 73. Pour quitter notre page Instagram, appuyez sur le carré. Sur d'autres affiches, on pouvait lire « Faxez-nous un tweet au 1-844-285-2232. Nous avons reçu plein de tweets par fax. » Nous avons également invité les gens à télécharger leurs photos sur notre pagette. Merci d'avoir contacté la pagette de Yum Yum. Au son du bip, décrivez votre photo pour courir la chance de gagner un an de croustille. Moi, ma photo, c'est moi avec mes deux garçons, avec la bouche toute rouge parce qu'on a mangé trop de chips au ketchup. C'est ça, fait que là, on est toutes crottées. Écoute, c'est une grosse patate que j'ai pris en photo avec un beau soleil. Une grosse patate sous un soleil. Dans une piscine de chip yum yum au ketchup. Enfin, les internautes pouvaient envoyer un courriel à notre adresse postale. Avoue que c'est quand même vraiment... On est vraiment fiers d'avoir maîtrisé les médias sociaux. C'est bien passé. Bravo yum yum. Oui. Bravo, c'est vraiment réussi. Et ça me fait penser à un article de clickhole.com que j'ai vu récemment qui était des gifs animés de chats pour les aveugles. As-tu entendu ça? Non. Écoute ça. The cat prepares to jump onto the table with the lamp. The cat jumps. The cat falls. The lamp falls. Évidemment, c'est un gif animé, donc ça recommence. The cat prepares to jump onto the table with the lamp. Mais non. The cat jumps. Moi, ça me fait rire. The cat falls. The lamp falls. Oh mon Dieu. Ah, c'est génial. Bref, c'est ça. Ensuite, toujours dans le blog pub, en passant, on parle d'idées de marketing, un petit peu comme ça. Allons-y avec du Star Wars. C'est Bell et LG2 qui font un clin d'œil à Star Wars. L'imagerie des films est utilisée pour démontrer la grande rapidité de 5 gigabits de Bell. Alors que le 7e volet est attendu pour le 18 décembre, les gens comptent les jours. Bell s'associe à la marque Star Wars pour faire appel aux fans de la saga. Dans une campagne créée par LG2, l'imagerie des films est utilisée pour démontrer la grande rapidité de 5 gigabits. L'offensive, comprenant une publicité en anglais et en français, fait un clin d'œil à la force dans un volet national. Dans un autre volet axé sur la vitesse, apparaissent le Faucon Millennium, les X-Wings et les TIE Fighters. Ces publicités se déclinant en messages télé, radio, web et en affichage extérieur sont déployées dans les marchés de la ville de Québec, de la Rive-Nord de Montréal, à Hull et à Gatineau et dans les provinces de l'Atlantique. Donc peut-être n'avez-vous pas vu passer ça. Écoutons-en une, hein? Bell Canada, fan pour toujours. Zoom in sur une photo dans ma famille. De couple avec un gars déguisé en blanc Star Wars. Mon père a ce don. Regarde un film sur un portable. Dans son bureau avec son habit-cravate. J'ai ce don. Regarde le Faucon Millénaire. Débarque d'une voiture une jeune ma femme. Ma sœur là aussi. Cette femme est sur son divan à la maison. Aussi. En train de niaiser sur sa tablette. La vie est belle. Donc on voit que dans leur rêve, ils sont dans Star Wars. Ouais. Dans la vraie vie, ils sont sur leur tablette ou leur portable en train de regarder du Star Wars. Hein. Une deuxième fois, c'est meilleur, des vitesses épiques, tiens. Fib gigabit, t'es prêt? Deux gars dans un garage, autour d'un atelier avec des outils. Ouvre un portable, le monde derrière eux se transforme. Et arrive comme dans le vaisseau de Star Wars avec les grandes... La lumière devant eux, comme s'ils arrivaient à la vitesse du vaisseau dans Star Wars. C'est moyen. C'est pas si pire, mais c'est un peu facile. Ouais. J'aurais préféré voir la princesse Léa avec les brioches sur la tête, mais ça, c'est une autre histoire. J'avoue, quelqu'un qui mange à déjeuner sur la tête de la princesse Léa. Il y a une vitrine dédiée au Made in Québec maintenant. Ça s'appelle Signé Local, signélocal.com, une plateforme web bilingue faisant la promotion des entreprises locales qui fabriquent leurs produits au Québec afin d'encourager le magasinage local. Conviviale et simple d'utilisation, la vitrine permet aux internautes de découvrir une vaste variété de produits du Québec grâce aux nombreux outils de navigation, recherche par mots-clés, cartes numériques et catégories de produits répertoriés comme animaux, arts, maisons et déco, enfants, santé, beauté, vêtements, sport, techno et alimentaire. Afin d'enrichir la proximité entre les consommateurs et les artisans d'ici, chaque entreprise membre de Signé Local bénéficie ici d'une page de profil où sont affichés des produits, points de vente et promotions exclusives. Il y a entre autres Abitibi & Co, Valanga, By the North, Rise Kombucha et plusieurs autres compagnies qui font déjà partie des entreprises québécoises représentées par Signe Local, fondée en février 2015 par Vanessa Lachance et Maxime Tremblay. Signelocal.com, évidemment sans l'accent à signer. Cineplex lance des panneaux publicitaires numériques pour les magasins qui sont vides. Ça serait parfait pour le Carrefour de Trois-Rivières-Ouest où une boutique sur deux est fermée, j'ai l'impression. C'est pas donc, mal ça partout à Trois-Rivières. J'avoue. T'as raison, maintenant que j'y pense, oui. Cineplex Digital Solutions a annoncé donc Digital Hoarding Screens, une nouvelle option de pancarte interactive qui présente une alternative pour les magasins fermés dans les centres d'achat. Les écrans interactifs ont été installés pour la première fois à Markham, en Ontario, chez CF Markville, avec deux panneaux qui dirigent les gens au Express Eatery via des coupons mobiles, donc ils peuvent se rendre à la foire alimentaire avec ces coupons-là. Une fois arrivés à la foire alimentaire, d'autres écrans Digital Hoarding ont des activités et des jeux qui veulent augmenter le temps passé dans cet espace. Donc les écrans de Digital Hoarding font 98 pouces d'horizontale et ont deux expériences interactives personnalisées, donc t'as Top Shopper et t'as Match by Memory. Le Top Shopper, c'est des icônes qui tombent sur l'écran et les visiteurs doivent les attraper et les ajouter à un sac de magasinage en évitant les obstacles. Alors que Match by Memory, c'est un jeu de mémoire de 2 minutes où les visiteurs utilisent l'écran tactile pour tourner autant de cartes que possible avant de manquer de temps. Les deux jeux sont équipés d'un tableau de meilleurs scores, si on veut, pour encourager les gens à revenir et compétitionner pour le meilleur score. Et en plus, des deux jeux, Digital Hoarding peut être personnalisé pour inclure des murs de capture d'écran, de photos, de vidéos, de médias sociaux, de trucs de participation sociale interactive, où les gens peuvent donc envoyer, évidemment, leur face sûrement sur Instagram ou par Pagette. On sait pas. C'est bien pensé. C'est très bien pensé parce qu'à la place d'avoir une grosse murale comme on voit dans les centres d'achat avec la face d'une top modèle avec le nom d'une boutique qui s'en vient plus tard. Bientôt. Ou dans le cas des rivières, juste mettre « Je suis les rivières » ou peu importe l'idée de mouton, « Je suis les rivières ». Bref, qu'est-ce que ça veut dire? Pour remplacer les devantures de magasins, c'est plate un peu. Entre publicité et vandalisme, on va terminer là-dessus. Le projet Brandalism, qui souhaite dénoncer la mainmise des multinationales sur les négociations climatiques de la COP21, a placé de plus de 600 fausses pubs dans les rues de Paris. Le projet Brandalism, né de la fusion des mots vandalisme et de brand. Wow, merci pour l'explication. Elle regroupe 80 artistes originaires de 19 pays. Durant la fin de semaine précédant la conférence COP21 qui se tenait à Paris jusqu'au 11 décembre, le groupe a lancé une initiative visant à dénoncer le double discours de quelques grandes marques et politiciens. Ainsi, les artistes ont conçu plus de 600 affiches dénonçant les liens entre la publicité, le consumérisme, la dépendance aux énergies fossiles et le changement climatique. Le groupe a mené cette offensive le 27 novembre, le jour du Black Friday. Depuis, les affiches ont été illégalement placées sur des panneaux JC Deco, commanditaire officiel de la COP21. Dans ce communiqué, le groupe déclare « Nous ne pouvons pas laisser les négociations climatiques entre les seules mains des politiciens et des lobbyistes des grandes entreprises qui sont les premiers responsables du désordre actuel. » En sponsorisant les négociations climatiques, des pollueurs importants tels qu'Air France et Engie peuvent faire leur promotion comme s'ils faisaient partie de la solution, alors qu'en fait, ils font partie du problème. Dans les heures qui ont suivi l'opération, JC Deco a évidemment retiré toutes les fausses affiches. On peut en décrire, par exemple, tiens, l'âge de bronze, 3200 avant J.C. Lauzon, jusqu'à 600 avant J.C. Lauzon. Mm-hmm. Ensuite, l'âge de l'huile, l'ère de l'huile, entre 1859 et 2015. Sinon, c'est qui ça? C'est Blanche-Neige ou l'autre? C'est l'autre, hein? C'est Cendrillon, qui a l'air de respirer c'est, de l'huile. C'est Alice au Pays des Merveilles. Ah, sont toutes pareilles pour moi, les princesses de Disney. Ça paraît-tu? Qu'est-ce qu'elle fait là-dedans? Est-ce qu'elle aspire quelque chose ou elle prend de l'air pour réussir à respirer? Bien, il y a comme le signe radioactif sur la bonbonne. Ouais. Alors, j'imagine qu'elle essaie de prendre de l'air, mais c'est radioactif. Ça reste nocif. L'autre, c'est un monsieur avec à la place des cheveux des trucs nucléaires là, avec de la grosse fumée par-dessus. Là, comme dans Simpson. Là, je suis très bon pour décrire ces photos-là. Hein? Oui, je vois vraiment ça. Vraiment excellent. Rouler plus propre, du moins en apparence. Et là, tu as une voiture de Volkswagen. Ça se décrit bien quand même. Mm-hmm. Nous connaissions l'impact des fossil fuels, là, les huiles. Bref. Mais nous avons nié ça publiquement. Voilà. Je suis pas très bon pour décrire ça du tout. Ouais, vraiment pas. Il y en a plein de bonnes. En as-tu des meilleures que ça, toi? Pas vraiment. Nous ne battons pas pour la nature, nous sommes la nature qui se défend. Il y a aussi notre philosophie, vous n'avez pas besoin de savoir. Et là, c'est un gars dans un avion. Ouais, bref, il y en a plein. Bref, cool. Hein? C'est tout pour le Black Pub. Difficile, hein? Faut vraiment être au courant du sujet pour le comprendre, celui-là, je pense. Les liens sont sur assemblagerequis.com pour les voir par vous-même et vous juger à la place de vous fier sur mes bonnes paroles. On prend une pause. Au retour, on a ta chronique, Tania? Oui. Qui s'en vient plus tard aussi, le Zone Campus. Donc, plein de bonnes choses à Assemblage Requis. Restez là. Vous êtes assez fait. 89.1. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Bonjour, vous êtes toujours à Assemblage Reiki en ce mardi 15 décembre 2015. Dans quelques instants, on va faire un petit peu de C'est un fait, mais avant ça, on écoute Les Connards à l'Orange. Richard Desjardins à Assemblage Reiki. Philosophe pour petit peuple asservi, aux idéalistes payés pour faire la morale. Maintenant Richard son tour ici comme son bossy. Tu devrais vraiment être Richard Desjardins. Tu devrais vraiment transformer le futile en véritable changement. Essaye un instant. Ça serait intéressant. T'écrirais autre chose que des clichés de Gripsou. Tu ferais des chansons pis des films militants. Au lieu de faire semblant que tu sais tout sur tout. Tu devrais vraiment être Richard Desjardins. Tu devrais vraiment transformer le futile en véritable changement. Essaye un instant. T'aurais de la compassion pour les Amérindiens. T'essaierais de faire quelque chose pour l'environnement. Assis tranquille à faire soit de l'argent, soit rien. C'est toi l'enfant gâté, c'est pas les étudiants. Tu devrais vraiment transformer le futile en véritable changement. Essaye un instant. Richard Desjardins, Les Connards à l'Orange, Assemblage Reiki. Maintenant, voici C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. Ça manquait de voix aiguë un peu, je trouve, dans cette chronique-là, mais bon, Tania, ça en revient dans quelques secondes, puisque là, elle a manqué l'intro. Commençons en 1986, The United Way a relâché, on pourrait dire, 1,5 million de ballons dans le ciel de Cleveland pour amasser de l'argent pour une œuvre de bienfaisance, donc eux-mêmes, United Way. Les ballons étaient tellement épais que la garde côtière, les hélicoptères, en fait, n'ont pas réussi à se rendre à un bateau qui était viré par-dessus bord, là, ce qui a mené à la mort de deux pêcheurs. Des ballons trop épais, ils ont pas pu se rendre là avec la garde côtière. Tu sais, une œuvre de bienfaisance qui a finalement fait plus de tort que de bien. Pardonnez-moi, si vous échouez votre test de conduite 3 fois en Suisse, vous allez devoir visiter un psychologue qui va essayer de comprendre les raisons de votre échec. Et c'est, selon un site de sources sûres, ch.ch, hein? Donc c'est en Suisse. 3 échecs égale un psychologue. La peau de tous les êtres humains est couverte en fait de bandes, un peu comme un zèbre, des bandes, des lignes. On appelle ça des lignes de Blaschko. Et ça couvre le corps de la tête aux pieds. C'est ce qu'on n'arrive pas à les voir avec nos yeux. C'est selon l'article de Mental Floss. Donc Blaschko's Line, Lines au pluriel. Il y a une page Facebook pour ça. Ensuite, il y a même une photo pour vous montrer de quoi ça aurait l'air si on pouvait les voir. Une lumière néon laissée allumée pendant 77 ans qui a été découverte pendant la rénovation d'un restaurant. Les fixtures étaient apposées au mur, avaient été oubliées dans le sous-sol. Les fixtures avaient été recouvertes d'un mur, donc il y avait un mur qui avait été installé par-dessus et ça avait été oublié dans un sous-sol. Ça a ramassé finalement 17 000 $ en facture d'électricité. Ce néon-là, en fait, laissé allumé pendant 77 ans. Mais ce qui est impressionnant là-dedans, c'est pour vrai, je suis allé voir sur... sur Flickr, en fait, il y a des pages sur le site social reddit.com, reddit.com, qui s'appelle quelque chose comme Forgotten Malls, ou il y en a une qui s'appelle Not Fooling Anybody. Je l'ai su sur RSS, fait que j'ai aucune idée c'est quoi le nom des pages, mais quand même, il y en a, cherchez-les, vous allez trouver. C'est des anciens magasins qui ont changé de propriétaire, donc par exemple, bon, je sais pas, Zellers qui est devenu un Target, des trucs comme ça. Et justement, récemment, il y avait une photo d'un Target récent du Canada qui a été fermé, évidemment. Et en défaisant les murs, on pouvait voir les lignes de l'ancien Zellers qui avait été laissé derrière. C'est vraiment super intéressant. Donc allez voir sur reddit.com. J'adore ce genre de choses-là. Je les regarde à tous les jours, ces photos-là. De trucs qu'on sait pas dans les magasins Tania de retour. Oui! Imagine, tu fais la rénovation du Target et tu fais juste mettre des affaires par-dessus d'autres affaires. Tu démolis pas tout, là, fait que les affaires de Zellers restent derrière. C'est pas ce qu'il y a de plus winners. Ah! Un gag de magasin! Un gag à la Mathieu Plante à matin! C'était parfait. Mais bref, le fait le plus récent, Tania, que je suis vraiment fière de moi! T'es très très bonne, t'es très très bonne. Merci. Je suis en train de parler d'une lumière néon qui avait été laissée allumée pendant 77 ans dans un restaurant, et puis quand ils ont défait le mur, ça avait coûté 17 000 $ d'électricité. Ben non! Hey, c'est terrible ça! Pour te mettre au courant, je trouvais que t'avais manqué quelque chose de bon. Oui, je suis d'accord. Mais on sait que toi, tu trouves jamais rien intéressant. Non, c'était très intéressant ça. Un joueur professionnel de Counter-Strike a dit au sujet de son équipe qu'ils prenaient tous du Adderall lors d'une entrevue, des pilules. Okay. Adderall, pilule pour, je crois que c'est... Ça doit faire quelque chose pour la performance, j'imagine. On va aller voir, c'est un psychostimulant. OK. Voilà. Un sympathico-mimétique, bien sûr, comme on l'appelle. Donc, bref, il y avait dans une entrevue qu'ils étaient tous sur le Adderall, donc l'ESL, Electronic Sports League, la plus grande organisation de e-sports au monde, a annoncé qu'ils allaient travailler avec l'agence antidopage, la World Anti-Doping Agency, pour amener un test de drogue pour les joueurs professionnels de jeux vidéo. Quand même. Ouais. La distribution du film Super Mario Brothers, il y avait un film de Super Mario qui était vraiment très très mauvais. Apparemment qu'ils étaient constamment sous pendant qu'ils filmaient le film, juste pour réussir à filmer leur scène. Ils trouvaient ça trop nul. Donc, ils se sont saoulés, c'est selon IMDb. Mais il y a eu un film, Super Mario Bros. Ouais, ouais, c'est. Va chercher les extraits, tu vas voir. Ah si, ouais? C'est aucunement fidèle à l'histoire, à part le fait qu'il y a une princesse et deux frères plombiers. Il y a des endroits où c'est commun pour les gens de vivre pendant plus de 100 ans. On appelle ça des Blue Zones, les zones bleues. Il y en a 5 sur Terre, donc Sardinia en Italie. OK. Okinawa au Japon. Nicoya Peninsula au Costa Rica. Loma Linda en Californie et Icaria en Grèce. Est-ce que tu dois être né là-bas ou tu peux simplement y vivre? Oh boy, j'imagine qu'il doit falloir que tu sois né là. Attends, moi, j'imagine. Un concept utilisé pour identifier... Attends, est-ce qu'il y a une page en français pour ça? On va aller voir. S'il y en a une, je veux la lire. Il n'y en a pas en français. Il l'a en espagnol, il l'a en Bahana, Bahasa, Sardou, mais il l'a pas en français. Bref. Ben là, c'est triste. Blues, bon, on va s'essayer. Donc, mais un c'est concept... quand même fou quand tu y penses. Ouais, utilisé pour identifier une démographie ou un endroit géographique du monde où les gens vivent des vies plus longues. Le concept vient des travaux de Gianni Pes et Michel Poulain qui ont identifié la province Nuoro en Sardinia comme la région avec la plus grande concentration de centenaires hommes. Les deux hommes ont cherché dans les villages avec la plus longue longévité, finalement. Mm-hmm. Ils ont fait des cercles bleus concentriques sur la carte et ont commencé à faire référence à ces endroits-là sous le nom de Blue Zone. Dan Buettner identifie donc les endroits qu'on a nommés tantôt et offre une explication basée sur des données empiriques et des observations de première source, à savoir pourquoi ces populations vivent plus longtemps et plus en santé. Voilà. Eh ben. Données empiriques et observations de premier regard. Un lac mystérieux qui fait plus de 10 mètres de profond est apparu du jour au lendemain dans le désert de Tunisie. Hein? Ben voyons donc. Selon le ibtimes.co.uk. Donc, un lac mystérieux de plus de 10 mètres de profond. Il y a des photos sur assemblagerequis.com. Un lac mystérieux découvert en Tunisie qui pourrait être radioactif, nous dit-on. Ça va bien. Ouais, l'article est pas mal plus long que ça. Je vous invite à aller le lire si ça vous intéresse. Abraham Lincoln a déjà donné un discours à Bloomington, en Illinois. Son discours était tellement captivant que ça a fait que chaque journaliste présent a oublié de prendre des notes. Hein? Il n'y a aucune copie de ce discours-là qui existe et on peut seulement deviner le contenu. Le discours est connu sous le nom de Abraham Lincoln's Lost Speech, le discours perdu d'Abraham Lincoln. C'est quand même drôle. Imagine, là, faut vraiment que tu sois captivant. Là. Ben, faut que tu sois passionné de ce que tu dis, j'imagine, vraiment. Là, comme... C'est pas assemblage requis, parce qu'on sait que toi, tu pourrais pas prendre des notes. Ça t'intéresse pas! C'est pas vrai, ça. Je vais te le remettre sur le nez. C'est pas vrai, Mathieu. C'est pas parce qu'une fois, j'ai dit que les perroquets m'intéressaient pas que tout ce que tu dis ne m'intéresse t'as pas. T'as des sujets d'intérêt spécifiques. Et voilà. Dans les années 30, les parents gardaient leurs enfants dans des cages sur le bord de la fenêtre. Oui, pour s'assurer qu'ils aient assez d'air et de soleil dans les bâtisses, les blocs appartements très, très hauts. Un peu comme on a parlé dans une chronique, ça existe, mais ça devrait pas, on l'a récemment. Les petites cages pour prendre du soleil pour nous-mêmes, pour les humains. Je pense que c'était une journée où t'étais pas là. C'est une cage qu'on pouvait installer sur le bord de fenêtre. Mets-toi pas trop en cage. Mais c'était genre, c'est comme un pan de fenêtre en triangle. OK. Et tu pouvais te coucher à l'extérieur, dans le fond, parce qu'il y avait une fenêtre en haut aussi. Donc, mettons, t'as comme un triangle derrière toi, sur ta fenêtre. En haut de toi, la partie du triangle qui est en haut, c'est une fenêtre. Donc, tu peux te coucher avec un coussin et t'as l'impression d'être dehors parce que t'es à l'extérieur de ton mur de bloc d'appartement. OK, je comprends. Donc, c'est un peu la même chose. Il y a une photo sur assemblagerequis.com par rapport au bébé. Donc, on voit vraiment, c'est une cage un petit peu plus cheap. Là. C'est pas comme ce que je viens de raconter, mais une cage en genre de... On dirait une cage de poulet. Ben, aujourd'hui, on appelle ça des bassinettes. Non, c'est pas comme dans... C'est une blague. On dirait des barbelés, genre d'Amnesty International. Bref, donc une cage en broche à poulet et le bébé est sur ses petites couvertures et patauge dehors. Et je pense même, il me semble que j'avais lu quelque chose sur le fait qu'on les laissait des températures quand même assez froides. Ben là, le bébé est tout nu sur la photo. Ouais. Ensuite, croyant que t'sais, ça... Tu sais, dormir dehors, les fesses à l'air, ça doit venir de là. Le bébé se faisait bronzer, c'est bien correct. C'est ça. Croyant que sa bande dessinée Calvin et Hobbes ne fonctionnait qu'en format imprimé, le dessinateur, si on veut, Bill Watterson, a refusé de vendre les droits de film pour sa bande dessinée. Non. Et a même refusé des offres de Steven Spielberg et de Pixar. Quoi? Il croit et trouve que ça ne fonctionne seulement qu'en version dessinée. Mais ça s'est pas déjà vu à la télévision, c'est Calvin et Hobbes? Je ne crois pas. Ah. Peut-être, mais je ne crois pas. En tout cas. Ensuite, le coma qu'on a après avoir mangé, tu sais, quand t'es fatigué après avoir mangé un repas, c'est en fait médicalement prouvé. C'est un processus qui s'appelle Alkaline Tide. OK. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est juste ça. Son nom. OK. C'est plate un peu, hein? Mais c'est ça. C'est un processus qui existe. Il y a une roche en Norvège qu'on appelle Troll's Tongue. Oui. Si tu t'enfarges et que tu tombes par terre, tu tomberais d'environ 2300 pieds. Donc, c'est vraiment comme... On dirait une langue. Mm-hmm. Ça s'appelle Trolltunga dans sa langue d'origine. Une roche qui sort à l'horizontale d'une montagne d'environ 700 mètres. Donc, ça sort de 700 mètres, environ 2300 pieds. Non, c'est ça. À 700 mètres de hauteur, pardon. 2300 pieds de hauteur. Sur le côté nord du lac Ringedalsvatnet, dans la municipalité de Odda, dans le comté de Hordaland, en Norvège. C'est situé à l'est de Skjidal, évidemment. Skjidal? À environ 10 km à l'est du village de Tissedal. Hein? Ils ont des beaux noms. Et du Sofjorden. Ben oui. Ben oui. Je sais que tu ne tripes pas nécessairement sur vol 920. Non. Par contre, ils ont été. C'était vraiment à couper le souffle. Arrête donc. Oui. Ils sont allés là-bas. Ils sont allés en Norvège. C'est seulement à l'avant-garde. Wow. Mais je te dis, Mathieu, ça l'a beaucoup changé. TVA, là, c'est rendu. Là. Non. Wow! L'émission vol 920. Okay. On s'entend. Un magazine Internet américain a listé cette place-là comme l'endroit numéro un au monde où prendre un selfie impressionnant. Et plusieurs gens ont demandé en mariage leur copain-copine à cet endroit-là. Faut juste être sûr qu'elle dise oui pour pas qu'elle te pousse en bas. Ah, boy, il y a une différence entre dire non puis pousser en bas. T'amènes ta blonde là puis tu lui dis que tu l'as trompé. Shit. Trois fois par semaine. Pardon, j'avais pourtant toussé avant pour être sûr. Trois fois par semaine, un homme nommé Ridwan Sururi, dans un village en Indonésie, amène aux enfants des livres gratuits en utilisant une bibliothèque mobile qu'il transporte sur le dos de son cheval préféré qui est Luna. Comme dans Harry Potter, Luna. Pareil. Donc, cette bibliothèque-là est faite pour encourager la lecture et la raison pour laquelle elle utilise un cheval, c'est parce que selon lui, les chevaux attirent les enfants. C'est un peu louche. Y a pas tort. Dis de même, c'est un peu louche. Ça fait un peu pédophile. Hey. Non, mais ça fait, viens ici, j'ai des bonbons, mais à la place des bonbons, c'est des livres. Mange tes mots. Viens, j'ai des livres pour toi, jeune enfant. Veux-tu tourner mes pages en mouillant le bout de ton doigt? Wow. Il y a une ville qui s'appelle Lanrooted Wells. Mm-hmm. Qui, à chaque année, parlant de cheval, a une compétition qui s'appelle Man vs. Horse Marathon. Ben là! Ouais, en 36 ans, la course a été gagnée par des humains seulement deux fois. Ben là, c'est sûr! Hey, c'est fort, là, ces bêtes-là! Mais hein, des chevaux! Tu sais, un cheval au galop, là, tu peux pas croire que tu peux battre ça en joguant, là! Je suis désolée. J'aime le fait que tu dis le mot « battre » avec le mot « cheval ». L'événement a débuté quand le propriétaire de bar local, Gordon Green, a entendu une discussion. En fait, ça dit juste un propriétaire, pas de bar nécessairement. Donc, il a entendu une discussion entre deux hommes dans son pub. Oui, OK, son pub, excuse-moi. Qui s'appelle le Newhead Arms. Un homme avait suggéré que, sur une distance significative d'un bar à l'autre du pays, l'homme était égal aux chevaux. Au cheval. Ah. Green a donc décidé que ce défi-là devrait être testé devant public et il a organisé le premier événement, Man vs. Horse. Ça s'appelle vraiment comme ça, Man v. Horse. Ben oui. C'est dans une ville qui s'appelle Lanrooted Wells. C'est une ville welsh. Welsh, évidemment, en français. On se rappelle tous que c'est... Hein? Welsh. C'est gallois. Voilà. Ah. Je savais, j'avais ce bout de la langue. Ben oui. Que j'ai utilisé pour licher mon doigt pour ouvrir une page du livre du monsieur tantôt. Le mot exceptionnel, le mot némophiliste. Non, mais honnêtement, tu veux pas que je te dise à quoi ça me fait penser. Dis-moi ce que ça veut dire, némophile. Ça doit être... Finding Nemo, hein? Ben, je trouve que c'est sûr que ça ressemble beaucoup à Nemo, mais j'imagine que c'est les gens qui trippent sur les poissons. Les poissons? Non! Ça peut être aussi... Ah, moi, j'aime bien ça, la lecture, strip sur Nemo. Aussi. Nemo, comme les mots. Donc, non, le mot némophilie, ça veut dire quelqu'un qui est en amour avec la forêt, les bois, les paysages grandioses. Donc, on némophiliste, c'est comme ça. Ah bon? Voilà. Le mot est dérivé du grec nemos, qui veut dire comme... encore l'une des termes trop difficiles pour moi ce matin, là. Je suis pas assez éveillé pour ce mot-là. Grove, en français, c'est évidemment des bosquets. Oui. J'aurais jamais deviné ça. Donc, bosquet et philo, ce qui veut dire affection. L'utilisation du mot veut le distinguer du mot botanie. Donc, ça suggère une appréciation plus artistique des arbres. Et non pas botanique, quelqu'un qui s'occupe des arbres. Ben, tu vois, ça, par contre, ça t'arrive pas, toi, des fois, d'observer la lumière qui passe au travers des arbres? C'est beau, mettons, hein? Toi qui conduis pas, tu dois avoir... Le temps. Oui, certains moments pour le faire. À perdre. Oui, j'ai ça, le temps à perdre. Des fois, c'est très joli. Je trouve, moi, en fait, que c'est surtout mieux de marcher que de faire du char. On n'a pas la même distance de marche à faire, là. T'habites où? J'habite au Cap de la Madeleine. Ah, ben calme. Donc, la première utilisation du mot némophilie, c'était en 1838. Ensuite, l'Université de Peking à Beijing a développé des étiquettes intelligentes, des smart tags, donc des petits onglets pas chers qui collent à l'emballage de ta nourriture et qui change de couleur lorsque la nourriture devient mauvaise et immangeable. Les scientifiques ont réussi à tester les étiquettes sur du lait en l'exposant à différentes températures et bactéries jusqu'à ce qu'ils virent. Ils disent que les étiquettes peuvent être personnalisées pour fonctionner sur des cannes de nourriture, même sur des bouteilles de médicaments. Si un produit est laissé trop longtemps à un endroit ou encore est mis à mauvaise température, même si les clients... Les chaînes de magasins et les compagnies ne peuvent pas faire la différence sans l'ouvrir et le sentir. L'étiquette va quand même donner une indication fiable de la qualité à l'intérieur de la bouteille ou du contenant. C'est fort, hein? C'est vraiment fort. C'est l'Université de Peking. J'ai vraiment, vraiment hâte que ça arrive partout dans le monde. Dans le futur, on va tous avoir ça sur nos emballages. J'espère. Peut-être. Peut-être un jour. Oh, celle-là, je t'avertis, tu l'aimeras pas. Parce que ça parle d'animaux. Ça t'intéresse pas. Ça veut pas nécessairement dire. Les souris chantent comme les oiseaux, sauf qu'on les entend pas. Ben, c'est niaiseux, là, mais t'as-tu déjà écouté la bande dessinée, mais le film original Cendrillon? Non, parce que tu vois que je suis pas capable de faire la différence entre Blanche-Neige, Cendrillon et Alice au Pays des Merveilles. J'ai un petit peu de difficulté avec ça. Ouais. Mais elle est accompagnée de 3 souris. Okay. Tout le long du film, ce sont comme ses meilleurs amis. Ouais. Mais il y a aussi des oiseaux. Et je dois t'avouer que le son est très ressemblant. Ah ben. Donc, les souris, oui, peuvent chanter. Particulièrement lorsqu'elles cherchent quelqu'un avec qui s'accoupler. Mais contrairement aux chansons d'un oiseau, les chansons des souris sont très, très élevées en, Ambigu. C'est très high pitch, le pitch est très très élevé, c'est ça. Donc, dans une nouvelle étude publiée par dans Frontiers of Behavioral Neuroscience, les chercheurs de l'université Duke ont pris une nouvelle approche pour analyser les chansons des souris. Ils ont analysé de la même façon que les scientifiques analysent des chansons d'oiseaux, les chants d'oiseaux. Donc, ils ont cherché des changements dans la façon que les souris attachaient leurs syllabes ensemble, espérant analyser s'ils répondaient différemment dans différentes situations. Donc, les souris masculines qui cherchaient une femme souris, hein, donnaient des chansons plus des performances un petit peu plus chantées, plus complexes. Et une fois qu'ils étaient que ces mâles étaient en la présence d'une femelle, ils se calmaient. Les femelles étaient plus réceptives à ça. Étaient plus réceptives aux chansons plus complexes. Voilà. Est-ce que tu crois que des souris, ça se trompe? Est-ce qu'elles trompent les autres souris? Moi, Caroline, est-ce qu'il faudrait leur demander? Mais on dit souvent que le cerveau, tu sais, il y a beaucoup de tests qui sont faits sur les souris parce que c'est le cerveau des souris qui ressemble le plus à ceux des humains. Est-ce que tu crois qu'une souris, si elle est en couple, elle peut aller tromper une autre souris? Est-ce que tu veux que j'y demande? Je connais ça, moi. Je vais demander. T'as une souris, toi? Ben là, Caroline, tu me prends pour qui? Je suis l'animateur d'assemblage requis. Je m'appelle Mathieu Plante. OK, vas-y, demande-y. OK, je demande, attention. Je vais demander. Ce serait plus efficace si ça marchait là. Tu sais, ça serait, le gag marcherait pas mal mieux si c'était comme là que ça jouait, mettons. Comme là, comme à ce moment, live là, mettons. Ça serait parfait, en fait. C'est... Mais mettons qu'elle répond pas mais fort. Mais mettons qu'à date, je pense qu'elle est endormie. Attends un peu. On va réessayer. Comment? Tu me stresses, là. Pas ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Elle veut pas répondre. Ça doit être parce qu'elle le fait. Ça doit être parce elle se sent coupable. Elle a quelque chose à cacher. Ah ben tabarnouche. Mais je sais que par contre, j'ai celle-là que toi tu pourrais reconnaître. Cinderella. Je sais pas si ça veut dire qu'il trompe les autres. Bon, you know what? Voilà, c'est tout pour cet effet. Les liens sont sur assemblagerequis.com. C'est Jack-Jack, Jack-Jack et Gus-Gus. Puis ça, c'est... Est-ce que c'est le tout mince ou le petit gros? Là, présentement? Oui. C'est le gros. C'est Gus-Gus. Gus-Gus. Oui. Ça, c'est la petite fille. Est-ce que c'est les ancêtres des Chipmunks, là? Hein? Ça doit, hein, parce que ça joue pas mal les mêmes pitchs. Bref, hey, c'est pour cette affaire. Les Chipmunks, c'est des écureuils. C'est des écureuils. Ben là, attends un peu, ça s'appelle The Mouse Song, Tania. Oui, mais les Chipmunks, ce sont des écureuils. OK, je comprends. Ça veut dire qu'ils chantent pareil comme les écureuils. Ben, je veux surtout dire que c'est probablement les mêmes personnes qui font une voix. Mais non, en fait, c'est des. Dans Alvin, c'est une voix enregistrée normalement et ensuite il monte le pitch. Tout le monde va avoir l'air de ça quand tu montes le pitch. Ouais, c'est pour vrai. On ferait le test à un moment donné. Ben, je le fais à chaque semaine. quand je découpe les essais classiques, je le mets en accéléré. Ah oui. Pour l'entendre, pour écouter plus rapidement, puis on sonne comme ça. François Pérus fait sa vie avec ça. Ben oui, c'est vrai. Il est moins élevé, ça. Il gagne son pain avec ça. Bref. Pour une quatrième fois, c'est un fait. Jack, et on se retrouve après la pause. Oui. Vous êtes assez fait. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage Reiki en ce mardi 15 décembre 2015, c'est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Oui, mais c'est pas moi là qui devrais être là en premier parce que l'important de cette demi-heure, c'est plutôt toi, Tania Baudin. Ah oui? L'importante de cette demi-heure. Oh oui, c'est Tania is gonna entertain. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant elle décolle, c'est Tania! And she's gonna entertain ya! Salut Tania! Bon matin! Ça va bien? Ça va très bien, merci! Good, Colin! On continue le guide des fêtes avec toi! Oui, le guide des fêtes! Nous, on a eu notre party de bureau vendredi. Oui! Et samedi matin. Et samedi matin pour certains. <C'est ça. rire> Malheureusement, moi, j'ai pas pu rester. Mais apparemment que ça a été tout un party. Tout un party! Ça s'est terminé aux petites heures du matin. Absolument. Les gens ont continué de jaser ben longtemps devant le restaurant. On était un petit restaurant chic du centre-ville, séparé par table de 6 personnes. Fait que, à un moment donné, à la fin de la soirée, personne n'avait parlé aux autres tables. Fait que fallait qu'on se... Qu'on se mêle. Qu'on se mêle un petit peu, là, tu sais. C'était bien le fun. C'était bien le fun? Ouais. Qu'est-ce que toi, tu penses des parties de bureau en général? En général, je trouve ça bien. Je trouve que ça pourrait... Je trouve que, tu sais, faudrait pas ambitionner sur ça parce qu'il faut que ça reste spécial. Ouais. Mais je trouve qu'une fois par année, c'est peut-être pas assez. Peut-être deux fois par année, serait cool. Ah, ça, ben, je pourrais me reprendre, fait que ça serait bien. C'est ça. Tu sais, il y a une différence entre les soupers et les 5 à 7. 5 à 7, ça finit pas tout le temps tard. C'est vrai. Absolument, les gens partent en début de soirée, tu sais. Bien d'accord. Un souper, tu restes pour la peine parce que souvent, tu commandes à manger à 9h30 puis tu te fais servir à 10h15. Un peu comme vendredi, quoi. Mettons, ça. Fait que c'est un petit peu difficile de partir tôt. Mm-hmm. Versus un 5 à 7, t'as juste à drinker ta vie. Ça, c'est vrai. Ouais. Bref. C'est vrai. Bien, aujourd'hui, en fait, c'est de ça que je vous parle. Je vous parle un petit peu des parties de Noël ou des fêtes de bureau. Comment survivre à ça? Surtout, comment se comporter face à ça? Mm-hmm. Et une des questions qu'on se pose beaucoup quand vient le temps de recevoir l'invitation, la plupart du temps, soit de notre boss ou de notre entourage au travail, c'est de se demander, est-ce que j'y vais? Oui, il y a bien du monde qui ne vont pas à leur partie de bureau. Exactement. J'en entends parler tout le temps. Oui. Bien, il y a une dame qui s'appelle Mireia Di Blasio, qui est présidente fondatrice de Loulou Événements. Ça en fait une spécialisation dans l'organisation de parties d'entreprise. Là. Il n'y a rien de bien big là-dedans. Là, mais Bon, minimise donc sa job. T'es non. Une bonne arrivée. Je ne minimise pas sa job, mais tout ça pour dire qu'elle, en fait, elle dit, écoutez, c'est quand même assez important d'y aller, surtout dans le temps des fêtes. Ça rapproche les liens, mais c'est surtout que votre employeur fait un effort de vous offrir quelque chose. Et si, en retour, vous, vous y allez pas, c'est comme dire que vous vous en foutez un petit peu. Bien évidemment, oui. Ça va toujours dépendre de où vous travaillez. Tu sais, si vous travaillez dans une grande chaîne, comme exemple Costco, puis qu'il y a 150 employés, que vous ne fassiez pas présence, peut-être que ça ne fait pas une grande différence. Ça paraît moins. Exactement. Ouais. On s'entend ici, à Trois-Rivières, il y a des parties style Marmaine ou encore Abbaye, où il y a d'énormes gens qui travaillent dans les usines. 500 livres. Oui, c'est ça. Bon, OK. Il y a un grand nombre d'employés. Donc, de ce côté-là, c'est peut-être moins à considérer. Par contre, lorsqu'on travaille dans un bureau qui est peut-être un petit peu plus... convivial. Ouais, cozy. Ouais, cozy, ouais. Mettons. Comme exemple ici, nous, là, on est 6-7 ouais, à peu près. 6 permanents. De dire que tu y vas pas, c'est comme dire que tu veux pas nécessairement passer la soirée avec tes collègues de travail. C'est ça. Et en temps normal, bien, c'est jamais très, très bien vu. Sers-toi la ceinture puis vas-y. T'sais. C'est ça, exactement. Ouais. Dis-toi, à moins d'avoir une très bonne excuse. Oui, mettons, tu tombes malade juste avant que ton repas arrive, mettons. Mettons comme moi vendredi. Exemple, là. Mettons. Mettons. Je vous jure que je filais pas. C'est pas parce que je voulais pas être là. En plus, ça avait l'air tellement bon. Ah, on sait pas. Mais... T'étais assis à côté de Dany Janvier. Peut-être que tu l'aimes pas. On sait pas. J'aimais tout le monde assis à ma table. OK. Même ton père. Oui, c'est ça. Ben oui, parce que mon père anime ici. Alors évidemment, mon père était à mon party de Noël. Il était à ton père. Tout le monde pensait que j'avais, genre, comme accompagnateur, amené mon père. Ah, OK. À un certain moment. Là, j'ai comme, non, mais tu sais, il anime. Ou les gens pensaient que t'étais comme Mary-Kate Olsen qui est rendue avec un monsieur de 55 ans. Exactement. Comme copain. Ça aurait pu être ça. Ça aurait pu être t'es ça. Tes aimes vieux. Mais pas à l'âge de mon père, je suis désolée. Pas incestueux. Salutations, mon père. Et la deuxième question, bien souvent, d'après moi, ça va arriver beaucoup plus souvent quand on est une fille que quand on est un gars, mais encore, comment est-ce qu'on s'habille pour un party de bureau? Ouais, comment? Tu sais, c'est pas toujours facile, surtout si, exemple, je sais pas, moi, on travaille dans un garage. Mais là, si vous avez un party de bureau, les gars, amenez pas votre chienne pleine d'huile puis pleine de graisse, là. C'est pas nécessairement le top. Puis les filles, si vous travaillez dans un garage aussi, ça peut arriver. Oui. Si vous habillez vraiment séduisamment. Ben, laissez les capes. Attendez-vous à vous faire... Oui. Harceler un petit peu. Là. Mon Dieu, oui. Ça doit pas être le fun, ça. Tu sais, laissez les capes d'acier de côté. Oui. Mais faites attention au décolleté. Oui. C'est quelque chose qu'il faut penser. Faudrait peut-être laisser dans le garde-robe un peu les tenues très provocatrices, ouais. Mettons. C'est toujours de penser que vous allez les revoir, hein. Donc, de penser quand même que si on veut se mettre belle ou beau, vous avez la meilleure idée au monde. Il n'y a pas personne qui va vous dire « bah t'aurais pas dû ouais. ». Mais faites attention de ce côté-là, parce que justement, il faut faire preuve de jugement sur comment est-ce que vous allez être perçu rendu là-bas. Même si des fois, il y a la fête de semaine entre les deux, ils vont quand même s'en rappeler. Oui, évidemment. Ouais. Je prends une gorgée, puis je vous reviens. Ouais, c'est ça. Puis moi, je mets tout fait en même temps, fait, chacun a le problème. Hein? Puis c'est comme arrivé en même temps, en plus. Donc, ça arrive, ça. Est-ce qu'on trinque? Est-ce que trinquer sans déraper? C'est possible. Tu veux dire boire en général? Ben, au party de bureau, bien évidemment, moi, si au party pas, de bureau des fêtes. Il y a des gens qui ont tendance à se faire juger s'ils boivent pas. C'est vrai, hein? C'est plate, ça. En 2016, Caroline, tu bois si ça te tente de boire. T'as pas à te faire demander si t'es enceinte quand tu dis que tu bois pas non plus, parce que les filles, littéralement, à chaque fois que tu vas que tu bois pas, même si c'est par choix, tu vas te faire demander si t'es enceinte. Tout à fait d'accord. C'est désagréable, ça. Fais juste regarder, Justine et moi, vendredi soir, en début de soirée, on buvait pas nécessairement. Ouais. Moi, je filais pas. Justine conduisait, donc de ce côté-là, on y allait peut-être un peu moins. On y allait plus mollo, mettons. Puis déjà, là, on va... Ça se faisait juger un peu. Ouais. Mais maudit que ça, c'est désagréable. En tout cas, bref. Mais tu sais, parce qu'on est déjà dans l'esprit des fêtes, hein. On se dit déjà, ah ben go, ah ouais, on est sur le party, puis on va fêter ça. Mais il faut, comme je disais tantôt, il faut toujours se rappeler qu'on va revoir tout le monde le lundi au travail. Ouais. Il faut se rappeler aussi qu'on a une réputation et qu'elle va nous suivre. Ouais, est-ce que tu penses que... Là, je sens, à distance, mon père ainsi que mon agent crier, « Ouais, ça te tente pas de la retenir, celle-là? » Mais... Les collègues vont être avec nous par la suite. Donc, il faut faire attention à comment est-ce qu'on veut être perçu au travail versus comment on veut être perçu à l'extérieur du travail. Ouais. Bien évidemment, c'est sûr qu'un vendredi soir, si vous faites un party des fêtes et que vous décidez d'y aller un petit peu plus... comment qu'ils appellent ça? Le coude léger? Ah, OK. Le coude par en haut? Ah. Je me souviens plus vraiment de l'expression. Mais il faut se rappeler quand même que c'est des gens qu'on va côtoyer. Donc, peut-être que de ce côté-là, il y en a certains qui vont avoir moins bu, qui vont se mettre à juger, justement. Donc, il faut surtout pas oublier, dans ce moment-là, de peut-être boire un verre d'eau en alternance avec l'alcool. Assurez-vous juste de toujours être moins pire que les autres. Aussi. Genre, faites boire plus les autres. C'est ça. Assurez-vous que c'est vous qui remplissez le verre des autres à la place de vous faire remplir le vôtre. Quelle bonne idée. Saoulez-les au lieu de vous faire saouler. Voilà. Parce que c'est aussi en fait le party de bureau de fête en temps normal. S'il y a beaucoup de gens, c'est beaucoup une occasion de réseautage, puis de rencontres, mm-hmm. puis de créer des liens avec certaines autres personnes. Donc oui, de ce côté-là, c'est sûr qu'un petit verre d'alcool, ça peut alléger la conversation, ça peut aider aussi à faire tomber un petit peu la pression puis la gêne de ce côté-là. Mais il faut toujours se rappeler que la modération a bien meilleur goût. T'aimes ça dire ça? J'adore ça. T'aimes pas se suivre ça, mais t'aimes ça dire ça. Mais de quoi tu parles, toi? J'sais pas. Puis surtout de vous rappeler en fait que si jamais vous décidez de trinquer, que vous êtes venu avec votre voiture, bien dans le temps des fêtes, il y a Opération Nez Rouge. Oui. Si jamais il y a quoi, il y a des taxis. C'est surtout de penser aussi sécurité. Allez pas conduire votre auto si vous avez pris 3 bouteilles de vin. C'est pas la meilleure idée au monde. Non, mais c'est ça. Nous, c'est ça qu'on a fait avec un collègue chroniqueur ici, David Ferron. Oui. Il voulait pas conduire parce qu'il avait bu. Mm-hmm. Okay. Fait qu'il s'est dit, bon, ben, je vais aller soit chiller au Bravo pendant une heure, puis m'en aller après. Ou l'option B qu'on a choisi, retourner à la maison à pied, ça nous a pris plus d'une heure. Fait que finalement, on aurait pu attendre au Bravo. Oui, vous auriez pu. Ouais, c'est ça. Comptez les Des fois, ça pourrait être une bonne idée de juste aller chiller pour relaxer, pour calmer votre évidemment. Alcool. Mais chiller pour relaxer, est-ce que toi, du style, mettons, à danser dans un party de bureau si c'était dans une salle à réception? Non, je danse pas. Non? Est-ce que c'est mieux de pas danser pour pas brasser l'alcool? Bien non, au contraire, en fait, Madame Mirella Di Blasio, notre experte en événements, fait dire que c'est une bonne idée de danser, puis elle suggère de danser parce que, premièrement, ça fait digérer le souper et l'alcool que vous venez d'ingurger de façon assez incroyable. Mm-hmm. Parce que Dieu sait que dans le temps des fêtes, on s'en donne à cœur joie sur la bouffe. Quand c'est gratuit. Je sais pas pourquoi, hein, on mange tout le temps plus dans le temps des fêtes. Tu sais, même si tu fais un party de bureau dans le temps d'été, non. Dans le temps des fêtes, tu te bourres la face. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas. C'est aussi de s'amuser, donc arriver tôt, vous asseoir avec des gens que vous préférez. Pas nécessairement que vous préférez, mais que, évidemment, vous avez peut-être des liens d'amitié un petit peu plus forts avec ces personnes-là. Pour que se réserve des places. Bien oui, tout à fait. Pour que, justement, vous puissiez vous amuser du mieux que vous pouvez. C'est ça, c'est pas parce qu'on veut pas passer du temps avec les autres, parce que des fois, avec des tabassistes, ça peut donner l'impression que tu veux pas voir certaines personnes. Bien exactement. C'est pas nécessairement, tu veux plus voir d'autres personnes. C'est ça. Tu sais, puis de toute façon, il y a des affinités qui sont meilleures avec d'autres. Ben oui. Puis c'est pas tout le monde qui s'entend comme. On peut pas forcer. Tous des amis. De forcer une bonne relation entre des personnes qui ont rien en commun. Tu sais, mettons. Exactement. Ouais. Je n'aurais pu mieux dire. Ah, t'aurais pu. La fameuse question, parce que là, on est en 2015, bientôt 2016. Est-ce qu'on répand toute cette fameuse petite joie-là sur Facebook et Twitter et Instagram? Est-ce qu'on en fait vraiment Le marketing? Ben, ouais. En tant que tel, les gens sont déjà au party. Mais tu sais, moi, je suis de même. Je suis pas du genre à mettre ma vie publique sur Facebook. En tant que tel, si t'as parti de bureau, les gens du bureau sont déjà là. Les gens qui sont pas au bureau, ils vont voir les photos, ils vont dire « OK, ben c'est un party de bureau cool. » Moi, je serais du genre à dire comme toi. Ouais. Tu sais, de dire que tu es au party de bureau, c'est correct. Ouais. De partager 1 000 000 000 de photos de toi et tes collègues sur la brosse, maintenant. Tu feras un album après le party. Exactement. Ouais, moi, je serais du genre à dire ça. Par contre, notre experte dit que oui, parce que ça peut bénéficier les autres gens à assister au party de leur bureau. Ah, OK. Elle se dit, mon Dieu, mais check comment elle a eu du fun, je vais aller au mien. Oui, ou s'il y a un poste ouvert, peut-être qu'ils vont vouloir postuler à ton bureau. Peut-être. C'est j'avoue. Ouais. Est-ce qu'on se permet de flirter, draguer, frencher? Don't, with the payroll, hein, comme on dit. Don't fuck with your paycheck. Vulgaire. With your paycheck. C'est ça. Et voilà. Est-ce que toi, c'est quoi ta pensée par rapport à ça? Ben, en fait, c'est en parlant avec toi que j'ai peut-être changé un peu mon avis de qu'est-ce qu'un payroll. Parce que payroll, en tant que tel, c'est les employés. Ouais. Mais paycheck, toi, tu veux dire probablement le boss. Mais non, sûrement, non, ça dépend probablement de où tu viens et où la phrase a été adaptée, mettons. Oui. Parce qu'en tant que tel, payroll, ce serait les employés. Il ne faudrait pas que tu couches avec d'autres employés de ton même bureau, selon la phrase. Moi, personnellement, j'aimerais probablement mieux pas le faire parce que, justement, si ça tourne mal, t'es pogné avec après, puis un des deux va devoir probablement s'en aller un jour. Probablement. Ben, s'en aller peut-être pas. Par malaise, ouais. Oui. C'est sûr que ça crée un immense malaise, à moins que vous soyez amis depuis des années. C'est ça. Mais ça dépend aussi si c'est un bureau à 6 employés comme nous autres. Ben, c'est ça. À moins que ce soit une usine à 250 employés. C'est ça. C'est sûr que si vous, madame, vous travaillez dans le bureau en haut, puis monsieur travaille en bas, c'est différent, tu sais. On s'entend. Ça fait titanique un peu. Ben, hein? Vous ne voyez pas tous les jours. Là, ils sont dans la autre société du deuxième étage. Bon, c'est pas ça que je voulais nécessairement dire. Mais en fait, notre experte est d'accord avec nous. C'est un petit peu malaisant. Ouais. Hein? S'il y a une attirance qui veut se développer, ben, faites-le à l'extérieur des bureaux, puis surtout à l'extérieur d'un cadre où que vous êtes là pour les bureaux. Donc, entre autres, dans les parties de bureaux. Il y a aussi les fameux parties... de fin de session, là, ça va commencer, là, les parties de fin de session universitaire du temps des fêtes. Est-ce que tu te laisserais tenter par quelqu'un qui est dans ton bac? Probablement plus, ouais. Ouais, hein? Parce que tu sais que c'est temporaire, tu sais que la classe est grande, que tu peux aller loin de la personne sans vraiment tout le temps l'avoir d'en face. Mm-hmm. Je serais pas mal plus ouvert à ça. À vous, hein? Ouais. On est beaucoup plus ouvert à faire « Ah, ouais, ben de toute façon... » au pire, je ne me serais pas à côté. Il n'y a aucun problème. Et voilà, mais quand on tombe dans un cadre professionnel, on voit les choses très différemment. Mais des fois, est-ce que les gens sont sélectionnés pour faire des travaux d'équipe par le professeur? Parfois. Ça pourrait arriver, ça, que tu sois matché avec l'autre personne. C'est vrai. Ça peut arriver. Attention. ici en Mauricie, peut-être qu'il y en a certains qui n'ont pas encore trouvé l'endroit où faire leur party de bureau. Donc, si jamais vous cherchez présentement ou vos parties de fin de session, bien, j'ai quelques petites adresses pour vous. Et c'est quand même assez, assez nice comme place. Il y a le Rond-Coin à Saint-Élie-de-Caxton. Donc, c'est, on dirait quasiment une hutte. Ouais, une petite cabane en bois. Ouais, c'est super cute. Ça peut accueillir environ 50 personnes. Donc, on s'entend, elle n'est pas là si vous travaillez chez Marmen. mais si, comme on disait justement, un bac, si vous êtes une certaine quantité de personnes de votre bac ou une gang d'amis, puis vous voulez vous faire un party du temps des fêtes, bien, allez là, c'est super beau. C'est super bien décoré, puis c'est très, très, très chaleureux. Il y a aussi l'île Saint-Quentin. Je pense que c'est un incontournable ici à Trois-Rivières. Ça donne une super vue, puis vous pouvez l'aménager de la façon que vous voulez. Vous pouvez y mettre des décorations de Noël ou quoi que ce soit. Donc, il y a ce côté-là qui est très, très accessible aussi. J'ai pas trouvé de prix, là. Donc, attendez-vous à ce que je vous donne des prix. Si jamais il y a quoi que ce soit, je mettrai les liens sur Assemblage Requis sans problème. Un vignoble à Saint-Sévère. Ah! Oh! La bouche grande ouverte, là. Moi, je serais du genre à faire soit un party, là, ou encore un mariage d'hiver. OK, un mariage d'hiver. Ça se voit. Mm-hmm. Ça se voit, des mariages d'hiver. Ben oui. De toute façon, on n'a même pas de neige. Ben, à date, on n'est pas l'hiver. Faut dire, on n'est pas l'hiver. Mais je pense... Ouais, non. Oh, non. Dans quoi? Une semaine? À peu près. Ouais. Mm. Mais là aussi, encore une capacité de 50 personnes qui est offerte en location pour l'organisation d'événements privés. Tu peux louer 50 personnes, incroyable. Non, la place avec une capacité de 50 personnes. OK. Exactement. Puis, le service de dégustation et de vente des produits de vignoble vous est offert. Donc, regardez ça si jamais vous êtes, je sais pas moi, une gang du bureau qui est amateur de vin puis de spiritueux, peut-être, bien, vous pouvez peut-être aller là. C'est à Saint-Sévère, je le répète. Moi, je serais du genre à aller là. Oui. Le domaine est vin Gélina. Miam! Magasin général à Masquinongé, une super de belle place. Moi, j'y ai été dans le cadre d'un spectacle de blues et c'est une capacité quand même de 90 personnes et c'est une déco qui est superbement originale, très chaleureuse. Ça fait un petit peu vieillot aussi, tu sais, comme, comment je voudrais dire, cette fameuse émission qui va ressortir, là. Les pays d'en haut. Et voilà, merci. <Ouais. rire> Je trouve que ça me fait un peu penser à ça, puis ça fait campagnard, c'est beau, c'est cute. Puis Masquinongé, c'est pas super loin. Non. C'est genre 25 minutes d'auto. À peu près, ouais. Sur l'autoroute. Fait que c'est pas si pire que ça. Et il y a d'autres adresses aussi, si jamais vous voulez aller voir. Je vais mettre le lien sur la page d'Assemblage Requis. Et grâce à tout ça, si vous êtes encore genre à ne pas aller à votre party des fêtes, c'est peut-être juste que vous êtes pas social. C'est ça. Oui. Tu sais, il y en a. Il y en a pas de problème. Il y en a pas de problème. Vous avez le droit. C'est votre choix. Mais c'est toujours le fun d'avoir du plaisir. Tu sais, moi, malheureusement, c'était hors de mon contrôle. Puis je trouve ça plate parce que je l'ai manqué. Ouais, c'est ça, on t'aime pareil, tu sais. Mais j'espère. Mais non, c'est ça. Les gens qui viennent pas, c'est plate parce que on dirait que tu fais pas l'effort si tu viens pas. Mm. Parce qu'il y en a qui l'ont pas essayé. Et bien souvent, tu vas être vu comme ça. C'est ça. C'est plate. Mais bon. C'est très plate. Bref. J'ai une petite chanson pour oui, vous. Oui, exact. Mais oui, parce que je l'ai dit, c'est le spécial Noël. Donc, à chaque jour, vous allez entendre une chanson de Noël. Et ce matin, ça va être du band Sleeping At Last. Et c'est la chanson Christmas Is All Around. Assemblage requis. Non? Mm-hmm. Non, je pense que non. Mais attends un peu. Non, je vais me débrouiller. Mais non, non. Ah bon? Ça va juste prendre 3 secondes, le temps de peser sur un bouton ou deux. Ça devrait marcher. Attention. Espérons. Ouais, c'est pas grave. Croise nos doigts. Ouais. Je peux la chanter, s'il vous plaît. Ça, non. Ça ici. Ça. Okay. Assemblage requis. I feel it in my fingers. I feel it in my toes. Christmas is all around. And so the feeling grows. It's written in the wind. It's everywhere I go. So if you really love Christmas, come on and let it snow. mind's made up the way that I feel. There's no beginning, it'll be no end. 'Cause on Christmas, you can depend. You gave your presents to me, and I gave mine to you. I need Santa beside me in everything I do. You know I love Christmas, I always will. My mind's made up the way that I feel. There's no beginning, there'll be no end. 'Cause on Christmas, you can depend. I feel it in my fingers, I feel it in my toes. Christmas is all around me, and so the feeling grows. Sleeping at last, Christmas is all around. Tu me regardais pas, Tania. Non, je suis désolée. C'est pas grave. Voilà, c'était Tania is gonna entertain. On fait ça tous les jours à Assemblage Rookie. Merci, Tania. Merci à toi, Mathieu. Tu mets les liens sur la page Facebook. Certainement. Bien sûr. Au retour, c'est la chronique Zone Campus avec Louis-Philippe Quentin. Restez avec nous. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Toujours à Assemblage Reiki en ce mardi 15 décembre 2015, c'est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Oui, et maintenant on accueille quelqu'un d'autre que nous deux. Ben oui. Aujourd'hui, notre seul chroniqueur de la journée, c'est Louis-Philippe Quentin qui s'en vient nous parler du plus récent numéro du journal Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. Louis-Philippe Quentin, rédacteur en chef du journal Zone Campus. Salut à toi. Allô. Ça va bien. Ça va bien, toi de même? Oui, très bien. On peut, à partir du prochain numéro, peut-être pas celui-là, t'appeler officiellement rédacteur en chef. Là, t'es rédacteur adjoint en ce moment. Mais ça risque de changer en janvier. Spoiler alert! Spoiler! On a échangé nos rédacteurs. Voilà. C'est au Canal V. Non, bref. C'est ça que je m'en allais dire. Ou à Musique Plus, un des deux. Ça Musique faisait... Plus? Ah, il s'est rendu... Feu Musique Plus. Ouais, c'est ça. Saviez-vous d'ailleurs que l'émission Monsieur Net qui avait arrêté à Musique Plus... Ouais, oui, ouais. Ben ils viennent de couper Musique Max aussi. Oui, oui. C'est Claude Rajotte, ça, ouais. Ouais, Claude Rajotte. Mais pas c'est vrai, Claude Rajotte? Oui, Claude Rajotte a perdu sa job. Tristesse. C'était pas ça que je voulais dire. En fait, c'est que... Donc, vous connaissez RDS. Vous savez que le e-sport est de plus en plus populaire. Ben Denis Talbot va commenter des parties de League... Je crois que c'est League of Legends. Je crois que oui. Ah ouais, j'ai vu ça. Ouais, mais c'est cool, hein? Ouais, je suis content que Denis Talbot... C'est un test, ça va être sur RDS 2, donc pour pas trop offusquer les auditeurs, les téléspectateurs de RDS. Alors, d'un coup, qu'il y aurait moins de hockey à RDS. C'est ça. Hein? Ça s'en vient, le sport électronique, c'est sur une pente ascendante. Voilà. Contrairement à un journal. Donc, parlons de... C'est un lien de transition que je voulais faire. Wow. Hein? Donc, sur le Zone Campus, en ce moment, celui qui va sortir plus tard aujourd'hui, on montre Busty and the Bass, qui était aux soirées cachées, c'est fou. On y reviendra en art et spectacle tantôt. Commençons par les actualités. Le mot de la rédaction est par ta collègue Alexandra Lemire. I'm dreaming of a black Christmas. Donc, on vous laisse avec une petite pensée par rapport à Noël dans le mot de la rédaction. Cette semaine, on va vous parler de surconsommation. Parce qu'évidemment... C'est quelque chose qui arrive à toutes les familles américaines et canadiennes. Nord-américaines, disons. De trop dépenser sans nécessairement avoir le plaisir de le faire et le plaisir de rencontrer sa famille à Noël. Donc, c'est de ça dont Alexandra nous parle. Ensuite, manifestation contre l'austérité à l'UQTR, on dit sauvons l'université. Voilà, ça fait déjà une couple de jours que ça s'est passé. C'était le 30 novembre dans le hall du pavillon Albert-Tessier qu'il y avait une manifestation contre l'austérité. Gwendolyn en a profité pour rencontrer les organisateurs qui exprimaient leur ras-le-bol par rapport à la coupure du gouvernement dans le budget des universités. Nous rappelait par exemple que les universités fonctionnent, du réseau UQ fonctionne avec 737 millions de dollars de moins depuis 2012. Nous rappelait des chiffres de ce genre-là qui nous permettent de comprendre peut-être pourquoi la situation est plus alarmante qu'on ne peut le croire. Stratégie de recrutement, on en parlait un petit peu plus tôt dans l'émission. On peut désormais parcourir le QTR sur Google Street View. Ben oui, ce qui est quand même cocasse, oui, n'est-ce pas? J'ai personnellement pas été essayé de voir comment ça marchait, parce que de toute façon, je sais de quoi a l'air l'université, mais ouais, sachez, hein? Sachez que c'est pas toute l'université que vous pouvez aller visiter, seulement le pavillon Ringuet. Voilà, le CAPS, ainsi que... Est-ce qu'il y en a d'autres? Non, je crois que c'est simplement ces deux pavillons-là. Pas le Néré-Beauchemin. Non, semble-t-il que non. Mais au Ringuet, est-ce qu'on peut se commander un costaud sur Google Street View? C'est ça serait, la question. Ça serait d'essayer. La technologie est telle rendue. Je pense que tu vas avoir affaire à une caissière peut-être un peu immobile. Certains pourraient dire qu'elle va être aussi bête figée que... Ah, je dis pas qu'elle est pas immobile normalement. Là. Non, mais on dit pas ça. Non, on dit jamais ça. Reportage maintenant, le tissu social décousu, les revendications du communautaire. Voilà, parce qu'on sait que l'austérité touche beaucoup, beaucoup de sujets. On en a parlé tout au long de la session dans Zone Campus. On croit que c'est quelque chose qui est important de traiter. Lucas, par contre, nous rappelle que d'un point de vue communautaire, c'est quelque chose qui va aussi toucher, les, par exemple, les maisons des jeunes, qui sont quand même un lieu important en ce qui a trait aux jeunes qui viennent de familles défavorisées, ouais. Qui vont flâner dans les parcs, disons, faire des choses pas trop correctes. Donc, ça lui permet un peu d'avoir un encadrement qu'ils n'auraient pas, sinon, les maisons des jeunes. Mais avec les coupes budgétaires, beaucoup de maisons des jeunes qui ferment ou qui n'offrent plus les services qui donnent envie aux jeunes d'y aller. Donc, situation assez problématique de ce côté-là, c'est ce que Lucas nous parle dans son reportage. Ouais. Dans son éditorial, Sébastien F. Gertin termine en fait son séjour parmi nous. Clôture de la session, la fin d'une époque. Voilà. En fait, c'est effectivement le dernier numéro pour Sébastien, qui nous a toujours entretenu d'éditoriaux très intéressants. Il fait un peu un récapitulatif, je dirais, de l'actualité du campus tout au long de la session. Il va nous parler de notre... nouveau recteur pas annoncé officiel, Daniel McMahon. Mm-hmm. Donc, soit lui ou soit une chaise vide. On sait ouais, pas, on sait pas le encore. Le suspense dure. Bien curieux de voir si ça va être la chaise, comment elle va gérer notre université. Ouais. Sinon, nous parle du mouvement de grève, qui parce qu'évidemment, il y a encore des discussions de ce côté-là. Est-ce que c'est encore d'actualité d'en parler? On sait que c'est pas la chose dont on a le plus entendu parler pendant la session. Est-ce que ça veut dire que l'idée est morte? Pas nécessairement. On va également nous parler du sport étudiant, de l'équipe de football. Est-ce que c'est une idée qu'il faut abandonner malgré le nom qu'on a eu d'université? Peut-être que dans le fond, l'espoir est encore là. Et ensuite, Sébastien, remercie le Zone Campus et quitte en beauté. Voilà. D'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, oui, il abandonne le Zone Campus, mais il continue assez fou, donc on va continuer d'avoir sa chronique. Ah, c'est vrai? Bulletin oui. Gartin, les mercredis matin. Wow, bon, je suis content pour vous. Merci beaucoup, nous aussi. continuons avec la recherche à l'UQTR, la pratique de la veille chez les journalistes. Voilà, pratique de la veille chez les journalistes. Je ne sais pas si vous connaissez le concept de veille. C'est de faire ses lectures tous les jours pour être au courant des avancées dans ton domaine. Exactement, mais de surtout faire les lectures des médias concurrents. Ouais. De tout ce qui se passe autour. Là. Exactement, de manière d'être le plus à la page possible de ce qui se passe. Question d'avoir un média de qualité. C'est voilà. Sûr que pour un journal universitaire comme le nôtre, ça s'applique différemment. Mais pour ce qui est des grands médias écrits, c'est quelque chose qui est de plus en plus important et de plus en plus individuel à chacun des journalistes. Mm-hmm. C'est ce que nous explique Gwendolyn dans son article. Voilà. Une autre qui nous quitte, malheureusement, c'est Marie-Odile Picard. Et oui. Picard Richard. je n'ai même pas été à apprendre son nom encore. Ben, je parle du prénom. Je dis eh oui du prénom. Ben, moi, je l'appelle Mario Del Pickle. Fait que c'est vrai? Ouais. Marie-Odile okay. Richard, donc l'actualité démystifiée, un épuisement professionnel pas si professionnel que cela. Exactement. Donc, en fin de session, Marie-Odile a jugé bon de nous parler de la notion d'épuisement professionnel. Parce que... Mais ce qu'elle entend par pas si professionnel que ça, en fait, c'est que c'est pas nécessairement dû au... Ben, oui, c'est dû au travail, mais pas nécessairement à sa job en soi, en bonne et due forme. Ça peut aussi être dû à une fin de session, par exemple. Ouais. Se surmener, ça peut être sur... Malgré le fait qu'on appelle ça épuisement professionnel, le surmenage a plusieurs facettes. C'est donc ce qu'elle nous explique. Mm-hmm. En loisirs, ensuite, parce qu'on a terminé les actualités, on a Vite Campus qui parle de covoiturage avec Alexandre Larabizouiki. On vous laisse aller lire ça, regarder ça, en fait. Et on continue en société avec Talia. Oui, eh bien, c'est Kevin Gaudreau qui revient entre les deux pôles. Il nous parle d'anxiété, introduction générale aux troubles anxieux. Voilà. Donc, une petite suite logique, en fait, avec l'article de Marie-Azil qui nous parlait d'épuisement professionnel. Parce que l'épuisement peut souvent susciter l'anxiété. C'est vrai. Voilà, le beau lien que je viens de faire là. C'est que, hein? T'as bien fait ça. Donc, notre psychologue chroniqueur Kevin Gaudreau va nous expliquer comment l'anxiété transparaît, par exemple, à travers les symptômes physiques de l'individu. Des troubles de panique qui peuvent s'accompagner à ça. Puis il nous explique également, c'est ce que j'ai trouvé très intéressant puis très vrai aussi, l'anxiété est contagieuse et transmissible dans l'entourage. C'est vrai, hein, mais c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, les gens qui sont anxieux. Je sais pas, si c'est de vieillir qui nous fait dire ça. D'après moi, ouais, c'est ça. Peut-être. C'est que là, on se rend compte de toutes les responsabilités qu'on a. Ouais, exactement. Mais c'est ça. Donc, il nous explique que l'anxiété est transmissible dans l'entourage, mais que toutefois, l'assurance et le calme d'autrui peut réduire l'anxiété. Parce que ça aussi, c'est contagieux. Oui. Donc, il faut voir l'envers de la médaille. Ça peut être positif parfois. De rester calme. De rester calme, exact. Il y a Christina Monfette-Fortin qui nous revient avec l'art de monter une mayonnaise et autres propos comestibles. On mange ses mots. Exactement. article très divertissant, en fait, de Christina, comme d'habitude. Manger ses mots, évidemment, elle nous fait un petit lien avec la nourriture, comme toujours. Mais elle va surtout nous parler, en fait... d'analphabétisme dans son article. Ah. C'est là que, oui, elle va nous introduire ça par rapport... parle de lecture du temps des fêtes, de ce qu'elle fait durant le temps des fêtes, et nous introduit à ce sujet-là qui est l'analphabétisme fonctionnel. OK. Donc, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Ben non. En fait, donc, vous savez c'est quoi l'analphabétisme? Oui. C'est des gens qui savent pas lire, qui savent pas écrire. Cependant, au Québec, 53% de la population ne détient pas les compétences nécessaires en lecture pour fonctionner en société. OK. 53. Wow. Puis là-dedans, évidemment, il y a des analphabètes, comme je viens de l'expliquer. Puis 34% de ce 53%-là est analphabète fonctionnel. C'est-à-dire qu'ils vont être capables... Ils sont capables de poster un statut Facebook avec plein de photos. À peine, je te dirais. Ouais. Ben, tu sais, genre. Ça va dans cette zone-là. Capable de lire un menu de restaurant, mais c'est pas capable de lire des indications pour ce... Google Maps pour se rendre quelque part. Ou une recette. Ou une recette, exactement. Donc, 53% quand même. Du Québec. Oui, c'est beaucoup. Beaucoup plus qu'on pense. Ben oui, c'est oui. Ça que j'ai réalisé. C'est plus que la moitié. Ben, bien vu, Mathieu. Bien. On voit que... Je suis là pour apporter ces points-là. Ouais. On voit que tu sais compter, en plus de savoir lire. Il y a Jean-François Veilleux qui nous revient avec une brève histoire du groupe armé État islamique. Voilà, donc, encore au fait des attentats... qui ont eu lieu à Paris. Nous fait une historique de ce groupe terroriste en nous rappelant tous les morts occasionnés par la chose, mais en nous rappelant aussi que du côté des États-Unis, avec un bilan de 134 000 civils irakiens morts et 17 milliards dépensés par le Pentagone, sans oublier les 490 milliards dépensés depuis plus de 10 ans, cette guerre contre le terrorisme, en fait... n'est pas ça joue des deux côtés, ça c'est pas bon pour tout le monde. Donc il nous montre les deux côtés de la médaille, Jean-François, avec des chiffres fort alarmants. Voilà. Quand même. Mm-hmm. Et c'était la section société. Ah, on retourne en art et spectacle maintenant avec les soirées cachées. C'est fou qui avait lieu récemment, en fait, dans les dernières semaines. Le 3 décembre, tiens. C'était Bastille at the Base qui était. Voilà. Donc, intéressant de mentionner en fait que Bastien Debaisse a enflammé la chasse-galerie. J'étais malheureusement pas présent. Cependant, je crois savoir qu'il y avait beaucoup de musiciens sur la scène ce soir-là. Oui, 8-9, quelque chose comme ça. Oui, exactement. Ouais. Des cuivres, des saxophones. Donc, semblait être un spectacle assez diversifié en termes de sonorité. Ah oui. Je crois même que l'espèce de problème de public qui parle... Ah, il n'y en avait pas. C'est ça, il n'y en avait pas ce soir-là, semble-t-il. Donc, j'aurais bien aimé être présent. Malheureusement, c'est pas arrivé, mais Reste que ça montre que les soirées cachées savent s'adapter. Tout à fait. Et Alicia Lemieux qui écrit cet article-là. Malheureusement, elle nous quitte elle aussi. Effectivement, c'était son dernier article, c'est vrai, maintenant que j'y pense. Comme tout le monde. Oh là là. C'était à mode à partir de ce journal-là, faut croire. Tiens, et justement, et là vous allez me trouver vraiment cute, là, mais parlant d'Alicia Lemieux, elle n'a pas écrit son propre article, mais on la voit en photo dans l'article de La Montagne est blanche parce qu'elle est dans ce groupe-là. Exactement. C'est cute, ça. Donc, il fallait le mentionner, mais sache aussi, Mathieu, que Jean-François Veilleux, notre chroniqueur, est batteur dans ce groupe-là. Et donc, Olivier Lessard, ancien chroniqueur d'Assemblage Requis. Donc là, vraiment, on a une belle équipe. Là. Exactement. C'est un all-star team. Et il faut savoir aussi que c'est le groupe qui avait gagné UQTR en spectacle l'an dernier, qui s'était rendu, en fait, un peu plus loin dans le concours et a, en cours de route, rencontré Maxime Auguste, qui, lui, avait remporté UQAM en spectacle. C'est avec lui qu'ils avaient organisé un spectacle au Gambrinus. Spectacle folk dont on a eu de fort bons commentaires. Donc, des artistes locaux qui, évidemment, on va suivre. D'ailleurs, Olivier, chanteur du groupe, je crois. Le Sang. Oui, c'est ça. Est parvenu, je crois, en quart de finale pour ma première place des arts. Oh! Ouais, donc, concours qui a, en fait, ouvert la porte à bien des mondes à Philippe Brac. Ah ouais. Voilà. Mais crime, ça pourrait aller loin. On pourrait quasiment renommer ce concours-là ma première place de l'essor. L'essor. Oui, oui. Oui, oui, oui. Merci. Ensuite, je vais te redonner la parole à la place. Ta chronique de lunatique, tu nous parles. En fait, ton titre, c'est « Pour un réel plus chevaleresse ». Voilà. Donc, on est bien le 15. Nous sommes le 15. Voilà. Donc, vous savez ce qui arrive vendredi. Vous savez ce qui était en avant-première hier. C'était Star Wars. Excuse-moi. Ah oui, je cherchais et puis là, je trouvais pas. j'ai eu un moment d'inquiétude, moi aussi. Là, c'est là. Oh non, oh non, oh non. C'est non, sa fête, c'est... oh non. C'est ça, là, c'est là. Oh non. Non, je parle simplement de la guerre des étoiles ici. Je trouvais ça intéressant de m'attarder. Non, au film, ça sert à rien de critiquer un film que, premièrement, j'ai pas vu. Puis que, deuxièmement, même si je critiquais, ça serait une critique parmi tant d'autres. J'aimais mieux dans l'article m'attarder au phénomène. Oui. Qu'est-ce qui occasionne autant de braquages de projecteurs sur une seule et même œuvre depuis tant d'années. Donc, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on n'aurait pas besoin, à l'ère du numérique, à l'ère où la science explique absolument tout, de trouver une espèce de moyen de se monter une mythologie fictive? Parce qu'évidemment, quand on pense à dans l'Antiquité, certains phénomènes naturels étaient expliqués par la mythologie, par les phénomènes créés par les dieux. Aujourd'hui, c'est sûr que c'est un peu ridicule d'associer des phénomènes naturels à ça. Par contre, l'esprit, lui, a toujours besoin de s'évader et de trouver une espèce d'imaginaire à quelque part. Moi, je pense que c'est peut-être pour ça que des œuvres comme Harry Potter, Star Wars, Seigneur des Anneaux, on retrouve autant d'attention de la part du public. Donc, c'est fait pour s'évader un peu. Exactement. Et évidemment, c'est sûr que tous les spots publicitaires font en lien avec ça. Le budget, oui. Le budget est là. Aide beaucoup. Ouais. Ça aide beaucoup. Ça, c'est clair. Ensuite, il y a une critique du bourgeois gentilhomme au théâtre des gens de la place. Exactement. Donc, évidemment, le bourgeois gentilhomme de Molière, une pièce qui n'a plus besoin de faire sa réputation. Marie-Christine nous en parle un peu. Simplement mentionner que 17, 18 et 19 décembre, ils seront à la Maison de la Culture. Il reste encore des billets. Donc, toujours la possibilité d'aller voir le théâtre des gens de la place, le bourgeois gentilhomme. Mm-hmm. En chronique Vision d'Anna, c'est la chronique littéraire d'Annabelle Deschênes-Gagné. Dans le temps, c'est le titre. Voilà, Annabelle qui nous parle de confort et de temps des fêtes, de grits cheese et de poêle à bois. Ah, d'accord. On a tout hâte de se retrouver dans cette espèce de mood de couverture-là. Ouais. Ça s'en vient, il reste pas long tout le monde. Va également nous parler des contes québécois et qui sont les conteurs importants québécois. Ici, on parle pas de Fred Pellerin, on parle... Des conteurs électriques. Oui, exactement, des conteurs électriques très importants au Québec. Ouais. Mais aussi des conteurs tels que Louis Fréchette. Ah. Voilà, donc ils vont nous parler de ces écrivains du 19e siècle qui parlaient de la forêt d'une manière fort intéressante, tout en faisant des petits liens avec les vacances des fêtes. Ce qui me fait d'ailleurs poser la question, chacun des temps des fêtes, tout le monde a ses traditions. J'aurais envie de vous poser la question ici. Parce que je crois que Christina en parlait également dans son article. Elle, c'est un marathon Harry Potter. Fait que je sais pas pour vous quel marathon de TV vous faites, mais tout le monde en a un. d'habitude. Tout le monde temps en a fêtes. Un, je me permets de dire que moi j'en ai pas. Ah, c'est vrai? Ouais, non. Ah, j'étais sûr que t'aurais une réponse. Absolument pas, mais je sais que ça va être le moment que je vais pouvoir justement utiliser pour des séries que j'ai jamais écoutées encore. Ah, des fois, ben voilà. Des fois j'en profite pour jouer à des jeux vidéo, j'ai pas l'occasion de le faire tant que ça le reste de l'année. Mm-hmm. C'est pas mal ça, mais j'ai pas de séries, de films ou de séries. Moi j'en reviens souvent à Ciné Cadeau, je te dis. Ouais, les Astérix et. Tintin également. Aussi, ouais. Il y avait Lucky Luke. Oui. Mais moi, je suis vraiment plus Astérix. Ça, c'est celui qui reste à chaque année. Tania, tu nous as fait une chronique là-dessus sur les trucs que tu écoutais pendant les fêtes, la Guerre des Tucs. Oui. Comme ça. Est-ce que tu as vu le dernier Guerre des Tucs? Non. Pas encore. C'est quelque chose que tu vas faire pendant le temps des fêtes, j'imagine. Non. Je déteste les films de dessin animé. C'est vrai? Ah ben. Mais c'est pas du dessin animé, c'est pas du dessin, c'est de l'animation sur ordinateur. Moi, j'ai de la difficulté avec l'animation, mais je t'avoue que juste parce que c'est la Guerre des Tucs, probablement que je vais me forcer, je vais l'écouter. Mais là, ils ont enlevé la bande sonore de Nathalie Simard, donc déjà en partant, ça me donne pas oui, le goût de l'écouter. Il y a Céline qui chante Céline. Dedans. Ah, ouais, Céline! Mais... OK, ça te convainc pas, ouais, j'ai l'impression. Ça te convainc, en fait, de ne pas le regarder. Ouais, c'est ça. Toujours en chronique, La Petite Ténébreuse, l'Ordre du Temple solaire, en fait, ça risque d'être vraiment intéressant. Oui, très intéressant et vraiment plus glauque que la Guerre des Tucs. Oui, évidemment, moins glauque que les nazis d'habitude. Ah, ça, c'est qu'elle couvre Michel habituellement. Ça, certainement. Habituellement, comme mais, ça. Mais l'Ordre du Temple solaire, est-ce que vous savez c'est quoi, cher collègue? Ils ont tué des gens. En fait, ils n'ont pas tué des gens. Ben, ça dépend comment tu vois ça. Ils ont ordonné des gens à tuer des gens. Non, ça c'est la secte de Charles Manson qui faisait ça. Ah, ouais, OK. Ouais. Non, l'Ordre du Temple solaire, j'ai justement réponse à la question. Colin, que t'es dadon. Oh là là. C'est fondé en 1984 par Luc Jouret et Jody Mambre. Jody Mambre. Ouais, ça sonne un peu comme ça maintenant que je le lis. Non. Donc, c'est un groupe ésotérique, en fait, qui s'inspire du mouvement des Templiers, mouvement très populaire grâce à plusieurs séries de films et de jeux vidéo. Ouais, il y en a tellement que ça s'est Templier par-dessus l'autre. Templier. Donc, groupe qui est en fait fondé sur le transit de l'âme vers une nouvelle planète. Okay. Puis pour atteindre cette nouvelle planète-là, il faut se suicider. OK, oh, OK, ouais. Oui. Donc, okay. Oui, quoi, 4 octobre 94, à Moronite, on retrouve 4 membres de la secte qui sont enlevés de la vie dans un même lieu. Évidemment, 4, c'est pas beaucoup, mais ça reste dramatique quand on connaît la raison. Mais je dis pas beaucoup parce que si on compare avec la France, 25 décès le même jour, 23 décès en Suisse également le même jour, et plus tard, 16 corps sont retrouvés dans une région montagneuse de France. Okay. Donc, c'est un ordre qui a quand même convaincu beaucoup de gens, il faut l'avouer. Donc, le charisme de son maître devait être assez haut pour réussir à convaincre autant de gens de s'enlever la vie. Quand même, hein? Quand même pogné de quoi, en lisant cet article-là. L'ordre du Temple solaire, Joyeux-Nel. Je préfère une ordre de toast. Moi aussi. Parlant de toast, ma ha ha ha! Je me fais rire avec mes liens, là. Café Frida. Ils sont bons aujourd'hui, tes liens. Ils offrent des toasts au Café Frida. Les gens, on peut commander des toasts. C'est ça le gag, on comprend. Yes! Hey, ben, t'es terrible, la matinée. Donc, au Café Frida, une profonde transparence pour illustrer l'universel. Donc, on peut, oui, commander des toasts. Sachez que les tacos sont également excellents. Ah, OK, cool. Mais aussi... Mais c'est pas le jeu de mots de tacos, par contre. Sachez que vous pouvez, si vous savez pas quoi faire comme cadeau de Noël, que vous avez un bon budget, que vous aimez l'art, vous procurer une œuvre de Samuel Champoux qui expose en ce moment au Café Frida. Donc, je suis allé voir l'exposition. C'est Marie-Christine qui écrit l'article, mais j'ai également constaté l'exposition en dégustant quelques toasts. Ben oui, toujours en train de manger des toasts, c'est connu. Voilà, j'étais un toasté. Donc, c'est de l'art qui est fait en fait sur la vitre à partir d'acrylique et de réactions chimiques. Donc, il n'y a aucun papier. Ça donne une belle profondeur. C'est vraiment magnifique, sincèrement. Puis, les prix sont assez intéressants. Donc, vraiment des beaux cadeaux de Noël. Cool. Est-ce que tu ouvrais toi aussi un restaurant avec des toasts, là? T'appellerais-tu la Quentin Cantine ou la Cantine à Quentin? Cette blague-là, Mathieu, je me faisais faire. Quand une j'avais 14-15 ans, c'est correct, ça me rappelle des bons souvenirs. C'est en fait ça qui a fait que tu détestes les jeux de mots en tant que tel. C'est à cause de ça, c'est parce qu'on a fait un jeu de mots sur ton nom. Hein. Qui dit que je déteste les jeux de mots? Toi, tu l'as dit la première fois qu'on s'est vu. C'est vrai? Ouais, tu m'as dit. Ah, je me souviens pas. C'est vrai. Mais ça doit être Il doit y avoir de l'ironie là-dedans, un peu d'ironie. Ah, peut-être. Peut-être. T'es un gars difficile à cerner, tu sais. Les Marinelli étaient à l'embuscade et c'était apparemment complètement disjoncté. Exactement. J'étais également présent, donc je peux confirmer que c'était disjoncté. T'es partout, coudonc, t'es partout. Ah, ben écoute, les heures et spectacles, j'aime bien ça. J'en mange. Comme des toasts. Comme des toasts. Oui. Voilà. Au café Frida. À la place d'une tartinade, c'est une cantinade. Oh là là, Mathieu. Ce matin. Donc, les Marinelli, oui, à l'embuscade. C'était très intéressant comme spectacle. Si vous êtes fan des Growlers, ça peut ressembler un petit peu une vibe surf psych. Vraiment intéressante. Un chanteur qui finit en sous-vêtements à paillettes après la troisième toune. Puis qui fait des allusions cocasses entre chacune des chansons. Donc, si ce que vous aimez, c'est de la musique de party qui est à la fois de qualité, les Marinelli est un groupe à découvrir. Et comme on dit tout le temps, excellent sur des pâtes. Hein? Voilà. ou encore dans un taco. Une petite sauce Marinelli sur tes tacos. Hein? Ce qu'il y a au Café Frida, bien exactement, sûr. Exactement. Et Surface of Atlantic y était récemment. Et c'était, encore une fois, apparemment, mélodieusement planant. T'étais là, j'imagine? T'es là partout. Hein? Oui, j'étais là. Voilà. J'étais justement en train d'apprécier ce spectacle avec notre journaliste Alicia qui a rédigé l'article. Donc un groupe en fait dont un groupe de Montréal, mais par contre le chanteur vient de Trois-Rivières. Ça faisait 15 ans qu'il n'avait pas joué à Trois-Rivières. J'imagine qu'il était content parce que ce soir-là le Café Frida était rempli. Spectacle d'éclairage par Daniel Delisle qui avait fait également le show d'éclairage pour Big Brave. Super agréable encore une fois. Pour ceux qui connaissent pas, Surface of Atlantic, c'est un groupe de post-rock, influence shoegaze, un peu dream pop. Si vous aimez Coldplay dans leur bonne période, dans leur bonne période, en un peu moins accessible, je vous dirais que Surface of Atlantic peut certainement vous plaire. Puis sachez qu'il va avoir moyen de regarder le spectacle une fois que ce sera diffusé, parce que ce soir-là, il y avait 6 caméras. Ah ouais. Ouais. Également, Big Brave, ça sort bientôt, je crois. Là, mais ça sort comment là-bas? Tu peux te procurer un fichier vidéo? Je pense que ça va sortir sur Internet, ou okay. C'est chacun des groupes qui va le diffuser eux-mêmes. C'est normal, le fun, ça. Ça reste à voir, mais il y a bien des choses en chantier de ce côté-là. Raison de plus pour ne pas y aller. Non, c'est pas vrai. C'est tout pour les arts et spectacles. Il nous reste les sports, et c'est Tania qui s'occupe de ça. Eh bien, oui, c'est Louis-Philippe Carbonneau qui nous parle de hockey. Je pense que c'est sa spécialité un peu. Hein. Surtout ici, victoire émotive pour les Pats, puisque le premier rang dans l'Est est à l'enjeu. Voilà, après 8 buts en temps réglementaire et 2 périodes de prolongation qui n'auront pas fait de maître, ce sont finalement les hommes de Marc-Étienne Hubert qui l'ont remporté en tir de barrage par la marque de 4-3 pour ainsi rejoindre leurs rivaux montréalais au sommet de l'Association Est des sports universitaires. Donc, félicitations aux Patriotes. Je crois que dans le dernier numéro, ils étaient sur le point d'atteindre cette première place. C'est maintenant chose faite. Eh bien oui, parce que le dernier match en 2015 pour l'UQTR, ça leur a permis de prendre les premiers de classe. Oui, exactement. Donc, avec Guillaume Asselin qui a joué les héros. Comme il l'a fait si souvent. Si souvent, oui, il faut le dire. Depuis son arrivée avec Trois-Rivières en 2014, donc évidemment, c'est un gros morceau pour les Patriotes, qui a marqué 2 fois dans ce match, dont le but vainqueur en prolongation, pour permettre aux Pats de terminer, comme je disais, l'année 2015 en première position. Et parlons de plein air avec UQTR. Voilà, et exactement. Et non UQTR. Ah, hein? Non, Mathieu, qu'est-ce que ça passe? La confusion est présente chaque fois. Eh bien, c'est une session réussie pour eux. Exactement. Donc, on est content pour l'organisation qui en fait dresse un bilan positif de ces événements. Chloé Labreveux qui revient sur la chose, va nous parler évidemment des activités qu'il y a eu durant la session, telles que le power yoga ou encore l'activité dont je vous parlais il y a 2 semaines, le chalet nature, donc grosse activité qui avait quand même pris une fin de semaine d'organisation. Il y avait des soirées de compte, puis quand même une bonne participation. Maintenant, je crois qu'ils veulent faire des conférences sur le voyage aussi la session prochaine. C'est sûr que l'hiver, peut-être moins de possibilités de... Il y en a une qui s'en vient là par contre, là. On en parle tout avec Catherine Langlois, c'est... Il me semble que c'est bientôt, là. Il me semble. Je te le dis dans 2 secondes, continue là-dessus. Yes, pas de trouble. C'est ça, je crois qu'il prévoit de donner des trucs et astuces. Et si je me trompe pas, Mathieu, je pense que je vais être plus vite que toi. C'est le 16 décembre prochain à la Chasse-Galerie Formule 5 à 7. C'est demain, voilà. Ben oui. Oh yeah! C'est là l'affaire. Et vous êtes en feu, les gars. Il y a Vincent Mongrain qui nous parle de volleyball féminin division 2, une fin de semaine parfaite pour les Patriotes de l'UQTR. Exactement, donc du côté du volleyball féminin, ça va également très bien pour les Patriotes. Les Trifluviennes qui ont remporté 3-2. avec des résultats de 25-18, 25-18, 18-25 et 22-25, ainsi que 15-13 contre, je crois, contre, en fait, l'ETS. Donc, toutes les parties ont été presque remportées, en fait, ce qui est très agréable pour... nos volleyballeuses, je sais pas trop comment on dit ça. Je sais pas, hein? Joueuses de volleyball? Peut-être juste joueuses de volleyball, effectivement. 3-0 aussi dans les 7 contre une autre université. Ah, je l'ai. L'Université du Québec à Rimouski. Donc, dans tous les cas, les Patriotes qui sont sorties victorieuses. Et c'est ce qui met fin à la section des sports. Voilà, et c'est tout pour le son de campus aussi. On retrouve ce numéro... en kiosque sur le campus de l'UQTR, un petit peu partout à Trois-Rivières, entre le 15 décembre aujourd'hui et le 11 janvier, donc un numéro qui est de presque un mois, trois semaines et demie environ. Donc c'est volume 11, numéro 8. On a la moitié d'accompli, il en restait encore 8 pour le restant de l'année scolaire. Et voilà, Mathieu. Voilà, merci Louis-Philippe Quentin. Mais ça m'a fait plaisir. Rédacteur en chef du journal Zone Campus, on te retrouve donc la première semaine de janvier. Première semaine? Deuxième semaine. 12 janvier, si je ne me trompe pas. Voilà, en effet. En effet, oui, le 12. Le 12 janvier, t'as bien raison. Merci Louis-Philippe. Ça fait plaisir. Nous, c'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. On va se quitter avec une pièce de Bastien de Bass dans quelques instants. Tant qu'à l'avoir parlé, ça fait la couverture. Alors, le seul chroniqueur aujourd'hui, c'est Louis-Philippe Quentin. On l'a déjà remercié. Sinon, Colin, on se retrouve demain pour une autre édition d'Assemblage Requis. Demain, on sera mercredi et on aura à 8h, comme toujours, Sébastien F. Gertin et son bulletin Gertin. Ensuite, à 8h30, Frédéric Bernard et Google Globe. Ce sera demain entre 6h30 et 9h30. Restez sur nos ondes à 11h, le dîner de con avec Danny Janvier. Ensuite, à 13h, la rediffusion de Rock de Neurones. À 15h, Tania et moi serons de retour pour les Palmarès C'est Fou. Oui! Avec le top 50, le 25 de l'année en francophone. Top 25 de l'année francophone. Et ouais, hein? Ouais, c'est ça. Ça change de formule à chaque année, histoire. À 19h, réanimation avec du métal et de l'horreur. Mais pour l'instant, ce sera de la bonne musique pour la prochaine heure et demie. Cif.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balado-diffusion. Merci Tania Baudin. Merci à toi, Mathieu Plante. On se quitte avec Busty and the Bass et leur chanson Trying to Find Myself. Et on se retrouve demain, 6h30. Bonne journée! Bonne journée!